On est de retour du coup, je te laisse MJ commencer et bienvenue dans ce première rediffusion de stream pour les gens sur YouTube. Alors, bon, je vais juste mettre une petite musique de fond, Bien histoire sûr. de, donc sur le Watch Together, hein, tu connais là. Oui. Donc, avant de se lancer dans cette campagne qui sera très longue, hein, sachez-le, je voulais déjà expliquer deux, trois trucs par rapport aux règles, enfin aux règles de fonctionnement de cette septième édition. Alors, à savoir que quand donc c'est du descend, hein, classique. Hein. Enfin, c'est à la limite, vous connaissez tous les règles du descend. À savoir que vous avez la possibilité de, si jamais vous échouez un jet, vous avez la possibilité soit de relancer le jet. Donc on appelle ça pousser le jet. Et donc auquel cas, si vous échouez encore une fois, c'est le risque. Vous pouvez simplement augmenter l'échec en fait, en gros, qui soit beaucoup plus important que ce qu'il aurait été en temps normal. Ou alors, vous avez donc une dans vos caractéristiques la caractéristique de chance, et vous pouvez utiliser littéralement les points de chance. La caractéristique pour piocher dedans et faire en sorte que avec un nombre de points suffisant, vous puissiez avoir le jet positif, en fait, le jet qui soit réussi. Donc en gros, voilà, vous avez une carac à 50, vous faites 55, c'est un échec, et bien vous prenez 5 de votre chance. Et hop, vous avez 50, c'est parfait. Par contre, au final, vous perdez 5 en chance et il reste plus que 45 dans votre caractéristique. C'est une possibilité. Maintenant, sachez que à chaque fois que vous ferez un jet sur une compétence, que cette compétence, que vous réussissez votre jet, vous avez la possibilité, donc du coup, de ce qu'on dit cocher. La compétence, et donc ça c'est une fois par scénario, et donc à la fin du scénario vous lancerez un jet pour essayer d'améliorer cette compétence, et si le jet est un échec, bah, bizarrement c'est là que vous pourrez lancer un D10 pour essayer d'augmenter de temps d'un D10 votre compétence. Sinon, pour la chance, par contre, ce sera à chaque session. À chaque session, vous pourrez lancer en fin de session un jet de chance. Si le jet de chance est un échec, vous pourrez lancer un des 10 et augmenter d'un des 10 votre chance. Voilà. En gros, c'est à peu près ça, quoi. Que dire de plus? Je crois que c'est tout. Enfin, après, peut-être que des choses viendront au fur et à mesure qu'on joue, mais normalement, c'est bon. Donc, allons-y. Les choses sérieuses commencent, et le MJ, il tremble. Donc, Londres, 1923. La ville s'est remise de la terrible Première Guerre mondiale. Les débuts de l'aviation ayant fait découvrir l'horreur des bombardements, même si au final la ville sera plutôt épargnée par la guerre, et on comptera peu de victimes dans la seule ville de Londres. Aujourd'hui, la population tend à quitter le centre et à s'installer dans une banlieue grandissante. Les transports se développent, métro, omnibus, délaissant de plus en plus les calèches traditionnelles. La vie est tout de même agréable et Londres reste encore pour l'instant le centre financier, la place du, enfin, le centre financier mondial. C'est donc ici que va commencer. Ben notre campagne pour nos personnages du soir. Nous sommes le 1er janvier 1923. Bonne année. Il est 11 h. Catherine Lamberstone, styliste renommée de Paris, Emilio Duranti, un jeune entrepreneur italien, Nelson Bessborough, un riche propriétaire terrien, et Peter T. Franklin, un jeune acteur américain en devenir dans un tout fraîchement connu cinéma parlant. Ils ont aujourd'hui rendez-vous avec le professeur Julius Smith, professeur en histoire et littérature. Et voici donc près de l'entrée d'un restaurant proche du célèbre Oriental Club dans le quartier de Marylebone au 11 Stratford Place. Hop. Donc, on y est tous autour d'une table ou alors Là, vous arrivez devant le restaurant. C'est le professeur Smith vous a donné cette adresse. Un carton d'invitation. Bien disparu. Mais non, en fait, il vous a contacté les uns les autres et vous a donné rendez-vous à cette adresse pour se retrouver. Donc, attendez, je vous donne une petite image. Ah, hop. Donc, normalement, vous avez dû recevoir une petite image de Londres de 1923 avec ses tramways, son métro qui commence à arriver. Hop, je vais d'ailleurs aussi vous proposer une carte de Londres qui peut vous servir, je pense. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? À savoir que, Maxime, tu peux la réduire, hein, la carte. Hein. Tu peux la mettre comme tu veux, hein, pour le stream. Oui, t'inquiète. Là, je vais en gérer parce qu'il y a mon compte qui s'est déconnecté. Il y a un petit souci de... Je suis en train de gérer ça. Mon ordinateur qui s'est éteint d'un coup. Donc, voilà. Je gère ça, vous inquiétez pas. Mais heureusement, ce n'est pas le Shadow. Sinon, vous n'aurez plus rien comme image. Ne partons pas poisse et continuons la session. Et t'en fais pas, après, okay. je bouge tout ça. Il n'y a pas de souci. Donc, vous vous trouvez donc devant ce restaurant, tout près du célèbre Oriental Club de Londres. Et, je sais pas, comme vous voulez, si on va dire que la première personne qui se présente devant la porte est notre ami Emilio. Si. Ah, tu te trouves donc devant cette porte. Et quand tu ouvres, tu as... quelqu'un qui vient de l'accueil comme quelqu'un qui place les gens quelque part et il te souhaite la bienvenue. Bienvenue. Vous êtes Mon nom est Emilio Duranti. J'ai rendez-vous ici en réalité. Écoutez, attendez, je regarde ça. Donc tu le vois qui ouvre son carnet pour savoir. Et effectivement. Vous avez une table réservée au nom du professeur Smith. Écoutez, suivez-moi, je vais vous emmener à cette table. Donc tu le suis, et effectivement, dans un coin au fond du restaurant, vous avez une magnifique table dressée. Donc c'est un restaurant assez huppé, quoi. C'est quand même une belle place, c'est pas n'importe qui va dans ce genre de restaurant. Donc il te fait asseoir, écoutez, est-ce que vous voulez boire quelque chose? Oui, un bourbon sans glaçon, s'il vous plaît. Ok, je vous fais amener ça tout de suite. Donc, il s'en va, et quelques instants plus tard, ton bourbon est sur la table. Ensuite, vient Monsieur Nelson Bessborough, et de la même manière, il t'accueille et te demande... Il m'accueille, c'est-à-dire. Oui. Bah, il te fait l'accueil, tu vois. Bonjour. Je lui donne ma veste, à qui le mettre dans le vestiaire et bonsoir, monsieur. Je souhaiterais voir Lord Smith. Ah, d'accord. Vous avez, oui, d'accord. Mais écoutez, je vous fais emmener à la. C'est-à-dire, vous voyez que quelqu'un, tu vois que une personne vient récupérer ta veste et lui, entre-temps, il te dirige vers la table où tu vois un homme assez jeune, d'un type italien, on va dire. Tu vois, ça se voit bien hein, que c'est un italien. Hein. Tant qu'il fait pas le dromadaire, ça va. Et donc il te fait asseoir. Donc je te laisse t'introduire. M'introduire. Te présenter si tu veux. Moi j'ai, tu sais. Oui oui. c'est le soir, c'est le jour. Le repas de midi, c'est quoi? C'est j'ai pas percuté l'heure de la journée. Nous sommes 11h là. Oui, c'est il est 11h à peu près. Donc, j'allais dire bonsoir, tu vois. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Vous êtes venu voir le Sir Smith? Tout à fait, je suis là aussi pour cela. Milieu du Hanty, enchanté. Vous avez connaissance. Enchanté, je suis Nelson Besboro. Au cas où tu l'aurais oublié. Il n'y a pas de titre avant ça. Non, pas de titre. Vous avez une idée sur le pourquoi de cette invitation? Ma foi, pas réellement. Non, pas réellement. Bien, je m'installe si ça vous dérange pas et on va attendre. Vous l'avez eu? Mais écoutez, tu vois, enfin, je suppose que tu as demandé avant qu'il s'en aille quelque chose à boire, donc j'imagine. Donc tu vois un serveur se pointer. Un petit ambré qu'on appelle communément une bière, vu que c'est là. C'est le nouvel an, mais une bière de Noël. Ok, bah, une bière qui t'était servie. Ensuite, devant le restaurant, il y a une demoiselle, enfin une femme, qui attend. Et au moment où elle va rentrer, elle est rejointe par un jeune homme, un fringant jeune homme. Vous vous croisez devant la porte. Alors dites-moi comment vous vous débrouillez. Juste comme ça. Tac. Par politesse, madame, je vous laisse entrer. Et je lui ouvre la porte. Merci bien. Donc voilà, vous arrivez devant et le... Enfin, je sais pas comment il s'appelle ça, un groom ou pas. Enfin non, c'est pas un groom, mais bon. Le maître d'hôtel, on va dire ça, vous reçoit. Bonjour. Vous êtes... excusez-moi. Catherine Amberson, mon chou. J'ai une place réservée. Catherine Amberson. Alors, il regarde. Effectivement, oui, je vois que vous êtes également là pour la table de Monsieur Smith. Et vous, monsieur? Moi aussi, Peter Franklin. Oh, ok, c'est vrai. Ben, pas de soucis. Je prends vos... Enfin, laissez-moi vos vestes, et madame également. Je vais prendre vos affaires. Excusez-moi, madame, je me suis pas présenté. Maintenant que je sais que vous connaissez le professeur Smith. Peter T. Franklin, je suis américain. Je crois que vous êtes votre connaissance. Merci bien. Et il prend vos affaires et puis il vous emmène... Ils emmènent au niveau à la table et vous voyez deux personnes qui sont déjà attablées. Ah, Emilio, Monsieur Emilio. Peter, ça faisait longtemps. Oui. Pas assez qu'on s'oublie un visage comme le vôtre et les propos que vous avez tenus. Des propos, voyons. Vous avez déjà commencé à boire. Vous avez pas manqué votre réputation. Je prendrai la même chose. Écoutez, tu vois qu'il commence à donner les affaires pour qu'il soit débarrassé. Et pour vous, madame, vous désirez boire De la simple eau, s'il vous plaît. D'accord. Donc, tu bois, on vous apporte tout ça. Je vous laisse un peu faire connaissance sur la table, parce que bon... C'est l'occasion aussi de... Je tasse et je récure ma pipe. Enfin, je récure avant de tasser du tabac dedans, et voilà. Pardonnez-moi, monsieur, auriez-vous du... Oui, je te tends une boîte d'allumettes. Ah bah, je vais sortir des cigarettes, tu vois, marque américaine. Et je prends tes allumettes et... Je commence à fumer une petite cigarette. Oui, c'est un stylet, mais c'est pas un cigare, le truc. Hein. Mais je fume pas réellement. J'ai rien pour faire une cigarette. Donc ça sera stylé. Je vous en propose une, je t'en propose une, justement, je te le tends. Je vous remercie beaucoup pour après le repas. Bah, je propose à madame. Non, merci. C'est d'une vulgarité. Bon, Emilio, je t'en propose pas. Hein. Je sors mes cigarettes à moi, alors. Ouais, mais elles sont pas américaines. Pas besoin de ça, hein. Donc, bah, vous discutez comme ça pendant une dizaine de minutes. Et puis, au bout d'un moment, vous voyez un homme rentrer dans le restaurant. Et cet homme, c'est effectivement le professeur Julius Smith. On a un scénar. J'ai cassé la fenêtre, hein. J'ai voulu voir ça. Bah, je vais suicider là. Casse la fenêtre. Comment j'ai fait ça, moi? Je l'ai retiré, je l'ai retiré. Les gens sont énervés parce que j'ai la lecture facile. Oh là, l'horreur. Je trouvais ça bizarre, ça, il y avait marqué PJ. Mais ouais, mais c'est très bizarre comme document. Pourtant, j'étais parti sur Julius, mais il y a un misclic. Non, mais c'est... Tu l'effaceras jamais de... Ah tu as 60 points d'expérience, tu meurs. je suis désolé, mais tu sais très bien qu'il n'y a pas de montage pour les sessions live, donc... Non, mais je te parle juste de pour toi dans ton dans oui, votre oui. machin là, vous les l'enlèverez gens, cette... Les gens ont déjà oublié. Ah. Je pas. Mais à coup pas. Donc, le professeur Smith, voilà, qui rentre dans le restaurant. Et très vite, il vous voit au loin. Et vous l'entendez. Oh, mes amis, vous êtes là, mais ça me fait tellement plaisir de vous voir. Il s'approche. Alors, il a toujours sa manière nonchalante, très. C'est un bon vivant, donc c'est quelqu'un qui est très volubile, qui se fait remarquer partout où il va et qui s'avance vers vous. Oh, ma très chère Catherine, comment allez-vous? Ça fait déjà quelques années que nous ne sommes pas vus. Ah oui, vous savez, ça me touche de vous revoir enfin après les événements tragiques. Oui, bah je sais, mais écoutez, la vie avance. Nous ne pouvons pas toujours regarder en arrière. C'est vrai qu'elle me manque beaucoup, mais bon. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir. J'espère que vos affaires se portent bien, mais j'en suis sûr en même temps. Vous me connaissez. Comment s'est passée la dernière connexion? Voilà. Oh, merveilleusement. Vous savez, j'ai réussi à titiller quelques petites curiosités qui ont la bourse assez facile. Ah, je vous reconnais bien, là. Et vous, monsieur Nelson Bessborough? Bon, on se voit de temps en temps. On se voit de temps en temps, nous. C'est pas comme si je vous avais pas vu depuis longtemps, mais je vois que vous êtes toujours... Aussi vaillant. Ouais, toujours. Bon, ça me fait plaisir. Alors, sinon, ne seriez-vous pas Peter? Attends, mais oui, Peter, oui. Mais tu as bien grandi, mon petit. Je te connaissais, tu étais tout petit comme ça, là. Je me pardonner, mon père. Étant très malade, j'ai dû prendre sa place pour cette invitation et... Il vous fait les plus sincères salutations. Ouais, merci. Il m'a envoyé effectivement un message pour me prévenir qu'il ne pourrait pas se déplacer, qu'il vous envoyait. Du coup, j'étais vraiment content de savoir que j'allais te voir. Ah, tu as bien grandi, là. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Toujours dans le cinéma, dans le cinéma. C'est ça? Oui, oui. Je suis une star en vogue pour le moment. Peut-être vous n'avez pas vu l'un de mes derniers films, mais ça ne saurait tarder son arrivée à Londres, je pense. Tu sais que moi, j'ai pas trop le temps pour ces choses-là, mais à l'occasion, peut-être, j'essaierai de prendre le temps. Et alors, vous seriez Emilio, c'est ça? On m'a tout à fait. On ne s'est jamais vu, mais... Non, du tout. Mais vous connaissez Monsieur Rogoli, je crois. Oui, effectivement, oui. Ah. Et donc, il vous envoie... Bon, je sais que c'est un... Enfin... Voilà. C'est son fils qui m'envoie, oui. Malheureusement. Oui, je sais, oui. Mais bon, son fils est très occupé, de ce que je me rappelle. Tout Tout à fait. Ouais. Là pour régler les affaires londoniennes. Oh. Eh bien, écoutez, sachez que vous êtes le bienvenu à Londres et que j'espère que ce petit séjour vous plaira. Mais en tout cas, je n'en suis pas encore déçu. Écoutez, tant mieux. Bah, je vous propose déjà de prendre un bon petit repas, hein. Et puis, pourquoi pas par la suite. Je sais qu'en ville, en ce moment, il y a une exposition au British Museum que nous pourrions aller voir tous ensemble. Qu'en dites-vous? Oui, si. Oui, bah. Oui, moi, je n'ai rien prévu. Autant découvrir la terre de mes ancêtres, ça m'intéresse. Eh bien, ça c'est parfait. Ma foi, fort agréable. Bienvenue à moi, je suis partante. Ah, c'est parfait, ça me fait plaisir. J'étais mute, pardon. Je dis, bah. Qu'est-ce qu'ils exposent en ce moment en galerie? C'est un. Ma mémoire me joue des tours, mais. De la culture maya. De la culture maya? Oui, en ce moment. Bon, après, il y en a. C'est un peu pénible de voir que de l'Égyptien, vous savez, en ce moment, on en a que pour l'Égypte. Ils ont un goût vestimentaire toujours assez, je trouve, subtil pour leur culture. Vous parlez des Mayas ou des Égyptiens? Des Mayas, voyons. Ah. C'est vrai. C'est vrai, j'avoue que c'est toujours assez. Authentique. Coloré et authentique. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a comme bruit dans ce restaurant? Des fois, c'est un peu pénible, hein. Donc, bah écoutez, bah vous mangez pendant. Vous allez passer une heure, une bonne heure à manger. Au bout d'un moment, bah vous partez. Vous partez justement pour cette exposition. Attends, hop, je me mets sur ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. Bah oui. Hop. Attends. Voilà. Donc, vous voici arrivé dans le British Museum. Et vous voyez, donc, c'est exactement la collection Maudsley, qui contient, en fait, des sculptures en pierre de tribus mayas. Vous avez aussi des tableaux. Quand vous rentrez dans cet endroit, donc déjà le British Museum, faut imaginer que c'est quelque chose de magnifique. Pour toi, Emilio, par exemple. Ah putain. Excusez-moi. Je n'avais pas remarqué. Ah, ça va être encore les gars. Bien blanc. Allez-y, continuez, ne vous occupez pas de moi, parlez des c'est pas grave, je vais faire comme si je n'avais... Enfin, il ne se passait rien du tout. Du coup, oui, donc ce que je disais, Emilio, pour ta part, tu n'as jamais eu l'occasion de voir ce genre de bâtiments qui sont richement décorés, de là où d'où tu viens en Italie. C'est pas Rome, hein, tu vois, c'est... Oui. C'est une ville un peu plus pittoresque d'Italie. Donc, plus gothique que Renaissance. Du coup, voir tous ces ornements, ces traits, des dorures, c'est quand même pour toi, tu trouves ça très beau, très raffiné. Donc, vous rentrez tous dans ce British Museum et vous admirez les tableaux. D'ailleurs, vous remarquez des tableaux qui sont assez... pour vous, c'est assez choquant parce que il y a des scènes un peu anthropophage. Vous voyez des gens qui sont en train Maya. Oui. Bah oui, ils étaient. Ils étaient peintres. Sanguinaires. Et donc, oui, en fait, c'est des espèces de peintures, des fresques, tu vois, ou des peintures. Ouais. Non, c'est pas un Van Gogh, Maya. Mais enfin, des peintures. Quand je te dis des peintures, voilà, faut imaginer. Des fresques, voilà, si tu veux. Des peintures, et tu vois justement des trucs assez gênants. Pour vous, c'est un peu gênant parce que vous voyez des gens en train de manger d'autres gens, couper des êtres humains. Authentique, j'ai envie de dire. Leur art n'est pas. Professeur Smith, est-ce que cela est général à cette culture ou est-ce que c'est une surreprésentation d'une cérémonie quelque peu religieuse? Mais en fait, c'est toute la symbolique des Mayas qui considérait que les captifs, parce que les gens que vous voyez là étaient des gens qui étaient capturés pendant les guerres mayas et qui étaient considérés comme la nourriture pour les dieux. Et donc, ils simulaient en gros le dieu qui mange en pouvant ingérer eux-mêmes et c'était toujours certains organes comme le cœur. Ah, c'est une autre culture, c'est différent. Ah ouais, c'est assez primitif. Vous voyez par contre que au niveau de la foule, enfin les gens qui sont là, c'est des gens qui sont extrêmement bien habillés. Bon après, vous n'êtes pas en reste, hein. n'est-ce pas, Catherine? Je pense qu'on est bien habillés quand même. Hein. Et sur ce, ben. Après, disons une heure à se balader dans cette collection de Mosley, le professeur Smith vous dit, écoutez, bon, malheureusement, je vais devoir m'absenter, je vais devoir y aller parce que j'ai des choses encore à régler. Mais sachez que dans 2 jours, je vais faire une conférence à l'Institut Kensington. Donc, vous avez tous des invitations, évidemment. Et j'espère vous voir présent à cette conférence. J'attends à ce que vous veniez. Qu'est-ce que vous allez présenter? Vous verrez bien. Je vous laisse un peu la surprise. Je préfère garder Oups. Tout ça. Oups. Quoi? Non, rien. Vous me motivez à y aller s'il y a une surprise. Yep, ok. Et s'il y a un buffet? Oui, bah évidemment. Non, je viens voir ce que vous allez nous présenter. D'accord. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à dans 2 jours, alors. Et vous voyez donc partir, se diriger vers la sortie. Et quand il va vers la sortie, vous voyez un homme s'approcher de lui, qui a l'air d'être son valet, domestique. Son domestique, voilà. Son majordome, pour être plus exact. Et il s'en va. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous continuez à vous balader un peu là-dedans ou vous décidez de tout simplement partir chacun de votre côté ou... Je reste, je furette. Mmh. Idem. Profitez un peu des tableaux, de l'art. Ok. Vous voyez que d'autres fresques, il y a des sculptures. Alors, vous voyez des femmes sculptées assez voluptueuses, bien en chair, qui correspondent quand vous entendez un peu à la fécondité. On symbolisait souvent les femmes avec des formes très rondes pour symboliser la fécondité. Après, vous voyez des chats en plâtre et d'autres sculptures. Au bout d'un moment, bon, je pense que vous avez fait un peu le tour de tout ça. Vous voyez que à l'extérieur, il y a un petit salon avec de quoi se restaurer ou fumer des cigares. Donc, si certains d'entre vous veulent y aller... Chère Catherine, désirez-vous vous sustenter, boire, vous dessécher la gorge là, à côté? Mais avec plaisir. Suivez-moi. Bah, vous y allez, et puis bah, je sais pas. Moi, je vois Emilio, on se regarde. Hein, c'est... Moi, je suis en faïence. Vous pouvez avoir une discussion, par exemple, je sais pas. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces galeries? Oh, je trouve ça très intéressant. Vous savez, pour commencer le steam, j'ai commencé par apprendre l'art, et c'est toujours passionnant, je trouve, de regarder vous êtes, les tableaux. Vous êtes styliste? Oui, de métier, depuis mon jeune âge. Vous travaillez à Paris ou... Oui, effectivement, j'ai déménagé là étant jeune. Et je suis revenu sur Londres à la demande de Monsieur Smith. Smith. Vous avez noté des choses particulières hein, qui pourraient vous inspirer? Notamment les couleurs, les broderies, les... C'est l'idée, j'aime beaucoup, moi, surtout les motifs. J'aime retrouver le motif. Pendant ce temps-là, les deux autres, vous avez l'air d'avoir on des regards. Vous faites quoi, vous deux? Mon cher Peter, vous voulez donc essayer un peu le tabac italien ou vous voulez rester votre tabac américain? Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais dans tous les cas, ça peut pas être bon pour la santé vu comment vous sentez de bouche. Je lui réponds pas, j'allume ma clope et je vais dans le fumoir. Je pense qu'on est au-delà de toutes ces histoires, de ces querelles. On a passé un cap. Vous savez, les mots dépassent souvent la pensée. Vous avez quand même... Vous m'avez perdu. Mais prends même, vous avez l'air d'avoir de gros problèmes dans le passé. Qui sont à l'air... Belle tension entre vous deux. Faut pas nous laisser. Sur le coup, sans règle. si au bout d'un moment, vous désirez qu'un de votre côté, ou s'ils avaient encore des choses à dire, n'hésitez pas. C'est le moment, parce que après, quand une fois que vous serez chez vous, vous ne pourrez plus parler les uns avec les autres. Non, mais je parle un petit peu avec Emilio, juste du temps passé, mais. En tout cas, ça vous a boosté ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est bien. Oui, on peut dire ça. C'est bien, c'est bien. Vous savez pas comment on booste en Italie, ça se voit. Je vois ça. J'espère jamais aller dans votre pays. Si on nous booste comme ça... Le cinéma spaghetti, vous allez devoir y faire avec, hein. Bon cinéma, quand même. Avez-vous vu au moins mon dernier film? Comment s'appelle-t-il déjà? La fabuleuse histoire de Clayford. Oui, oui. Je joue le frère jumeau. Le frère jumeau? Oui. Ouais, je me disais bien. Vous aviez une tête de frère jumeau. Ouais. Bon. On va peut-être s'éclipser de ces gens et aller peut-être fumer un cigare à l'extérieur. Tout à fait. Donc vous sortez à l'extérieur pour fumer. Pendant ce temps-là, Monsieur Bessborough et Lumberston, avez-vous vous continuez à discuter ou à un moment? Ouais. Je vous laisse. Si vous avez quelque chose à dire maintenant, sinon. Oui, moi je trouve que le cinéma. Jamais. Pardon. Exactement. Je trouve que franchement le cinéma n'est pas vraiment digne d'un art. C'est vulgaire et ça ne saisit pas l'essence même de la picturalité qui existe dans les tableaux. À moi vous voudrez. À moi bien tu sûr. Parles, excuse-moi. Mais bien sûr. Vu que nous sommes en conversation et que nous sommes tombés sur. Je suis d'un inculte du cinéma. J'ai pu voir, c'est le tout premier film des Frères Lumière. Et de là, j'ai trouvé ça d'un ridicule que nous sommes bien d'accord. Puis toute la courbe de progression du film de cinéma. Je n'écoute pas les films muets, par ailleurs. Donc voilà. Oui. C'est sûr que écouter les films muets, c'est pas facile. Non, mais nous sommes d'accord, Jojo. Je comprends mal pourquoi Monsieur Smith traîne avec... Des fois, ce genre de personne, je pense que il devrait être un peu plus élevé, des fois. Il est beaucoup trop gentil. Il a un cœur grand comme ça. Exactement. Mais d'où l'avez-vous connu? Oh, sa femme était ma collaboratrice pendant des années de ma ligne pour gérer ça à l'étranger. Mais malheureusement, elle est décédée il y a quelques années. Du coup, nous sommes un peu éloignés avec Monsieur Smith, mais les relations sont toujours cordiales. Il vous a donné. Bah, excusez-moi. Attends, Monsieur Meujeu. Oui. Est-ce que il nous a donné rendez-vous quelque part là? J'ai un doute. Oui, en fait, vous avez rendez-vous dans deux jours. Oui, à l'Institut Kensington. C'est Crida. Voilà. Pour sa conférence qui est de la fondation Challenger. Et je suis loin de mon petit manoir, mon petit coin. On peut faire le retour aisément en deux jours, je veux dire. Ah oui, non, ton manoir, c'est la banlieue, c'est un. T'es pas 50 milliards. Je pense inviter tout le monde. Donc, Mademoiselle Catherine, venez ce soir chez moi prendre la nuit, prendre repos, mais après un dîner, etc. Ainsi que les deux autres bibus, hein, je dirais, parce que je ne connais pas. Mais là, tu vois que les deux. Si charmante, je ne peux qu'accepter. Juste pour dire que les deux sont à l'extérieur, donc il faudra que tu ailles les voir après pour leur. ouais, c'est ce que je compte faire. Non, mais à l'extérieur, je sais pas, ils ont. Ah, ils sont juste devant, il y a un fumoir en fait, il y a juste un endroit pour fumer les cigares. Ouais, je les croiserai à la sortie, puis à ce compte-là. Ouais. Voilà. Bien sûr. Bah écoutez, c'est parfait. Dans ce cas-là, bah à la limite, je vous propose de filer directement chez dans la propriété de Monsieur Nelson Besborough, tous ensemble. Donc Emilio et toi, Peter, vous avez vu donc Nelson qui est venu vous voir et qui vous a proposé de passer la nuit. Dans son manoir, parce que c'est un homme très généreux et très convivial, il adore la compagnie des gens. Donc je suppose, je pense, ou peut-être vous pouvez refuser, mais est-ce que vous avez accepté l'invitation? S'il me donne l'occasion d'aller chercher quelques affaires à mon hôtel, il n'y a pas de souci. En espérant que c'est pas trop loin de Londres non plus. Non, c'est la banlieue de Londres. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et toi, Emilio? Je lui dis, écoutez, très cher ami, j'ai grande hâte de venir voir votre propriété. Mais juste avant, il faut que je passe voir deux, trois de mes collaborateurs pour leur donner quelques indications le temps que soit chez vous. Je vous donne le carton du cocher. Dès que vous serez prêt, vous l'appelez. Merci. Vous n'avez pas d'automobile? Ainsi qu'à le cocher. Ah, lui, c'est il est un peu old school. Le cocher, s'il te plaît. Je peux prendre... Ainsi que monsieur... Non, mais... Monsieur Peter. Monsieur Peter. Un carton avec le cocher. Et il appelle dès qu'ils sont dispo, il passe. Allez. Ok. Donc effectivement, vous avez chacun votre carton d'invitation avec l'adresse du manoir de Monsieur Nelson Besborough. Est-ce que toi, Catherine, tu passes directement chercher les affaires aussi à ton hôtel bien ou bien sûr. Voilà, donc à la limite, peut-être que Nelson voudra accompagner Madame. Madame Catherine, à son hôtel. Elle est ma compagne pour la journée, ouais, jusqu'à... Peut-être on a le même hôtel. Eh bien, écoute... Non, c'est... Attends, on va faire le premier jet. Dépend de quel niveau est l'hôtel. Jet de rencontre mythique. Non, je vais juste lancer un jet. Ah, ils sont cachés. Eh bien, non, vous n'êtes pas dans le même hôtel. Bon, bah, j'y vais à pied. Non, bah tu peux appeler un taxi ou quelque chose pour t'emmener. Hein. Pas... Oui, je disais à pied, mais oui, bien sûr, j'y vais par transport. Voilà. Mais sinon, il y a le concierge à l'hôtel hein, qui fait un peu tout, hein, la bouillabaisse même si tu veux. Bah, là, ils sont dans un restaurant, donc après, tu peux... Au pire, oui, tu peux toujours demander à la personne devant de te faire affréter un taxi. Ah non, tu es plus au restaurant, là. Tu es au British Museum, tu peux avoir des gens qui vont te réserver un taxi le temps que tu sortes, quoi. Oui, bah, je demande un taxi pour aller à mon hôtel proche de Waterloo Station. Waterloo Station. Du coup, le temps que vous fassiez toutes vos affaires, vous vous retrouvez en fin d'après-midi au manoir de Monsieur Nelson Mesborough. Vous voyez que c'est une immense bâtisse, mais immense. Vous vous rendez compte que cette personne est très riche, mais très riche. C'est un bâtiment un peu, on va dire, de l'époque victorienne, bah avec beaucoup de dorures. Et quand vous rentrez, donc vous arrivez, vous avez le majordome qui vous réceptionne, des servants qui arrivent là, pour prendre vos affaires. Ils vous présentent vos chambres. Pendant ce temps-là, Monsieur Nelson est dans le grand salon. Le petit, s'il te plaît. Le plus intime. Le grand salon, c'est pour les grosses réceptions. Le grand salon. Le petit salon. Le salon, c'est pour avec un verre à la main et il vous attend. Et vous vous retrouvez tous dans le salon au bout d'un moment. Chez vous, c'est. Avec le gramophone, là, le truc qui tourne un peu avec du... Ouais. Le gramophone. Tu tournes comme ça, là, pour ça. Ouais. Mais chez vous, c'est quelque chose. Vous faites quoi comme métier particulièrement? J'ai pas honte de ma bâtisse ainsi que de quelques autres que je possède, mais. Je ne fais rien de particulier pour gagner ma vie, non? Mis à part acheter et vendre du bétail et du blé, alors? Vous êtes un trader? Vous êtes banquier? Non, je suis un homme de terre. Un homme de la terre. Pas un paysan non plus. Non, je ne pense pas qu'un paysan puisse se payer une aussi belle maison, une aussi grande. Il y a de riches vignobles, de riches terres. Vous êtes un lord? Oh, je pourrais. Non, ça n'est pas permis d'après la reine. Bon. Il n'y a que la reine. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme apéritif comme spiritueux. Ouvrez donc cette armoire qui me sert de bar. Et vous verrez. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je prends. je peux faire mon petit cocktail. Un Saint-Émilion. Un chandage. À la cuillère. Saint-Émilion, c'est oui, d'accord. Je me fais un petit boisson et je m'installe à côté de toi, dans un des fauteuils. On va servir le dîner dans quelques heures, donc vous avez le temps de. On a quand même bien mangé aujourd'hui. J'espère que le souper sera un peu léger. Demandez donc à une domestique de vous alléger votre assiette. Je n'ai rien contre la nourriture anglaise, hein, bien sûr. on ne mange pas de pâte à modeler, non? Le porridge, attention, de par habitude, dans la culture anglaise, les gens ont tendance à le soir à manger très léger. Ils mangent très léger. Le petit déjeuner est très fourni, le dîner, enfin à midi, c'est moyenne, enfin on mange moyennement, et le soir, c'est très light. Le pudding. Et là, en l'occurrence, il y aura très peu de cuisine anglaise. La Marmite. Ah bon? Parce que j'ai une énorme origine russe. Ah, russe. Vous êtes slave. Des plats du froid, des plats du pays du froid. Avec un nom comme le vôtre, je l'aurais pas su. Hein. Vraiment. Et maquillage. Bon. Bah, comment? Enfin, c'est bien votre prénom, Nelson. Enfin. Bien sûr, je suis né comme ça, avec ce nom de famille, je n'ai pas de papier, c'est pas une propriété volée non plus. Je n'insinuais rien, j'étais surpris, juste. Bon, moi, je trouve ça très charmant. Du coup... Ouais. Oh non, ouais. J'indique juste que je trouve ça très charmant. J'aime beaucoup le style de certaines personnalités russes. Bah, du coup, je pense que vous parlez comme ça pendant un petit bout de temps. Vient le repas. Donc, une petite soupe, quelque chose de chez toi. Peut-être une soupe qui vient de ton pays. Le borsch, c'est plus le petit déj, le borsch, je crois, un truc, ça tient le ventre. Mais voilà, c'est une soupe riche, tu vois. Ça reste une soupe, mais c'est une soupe riche, tu vois. Le goulash. Non, pas de goulash, mais. Non, mais sinon il y a des pâtisseries très. Je connais pas bien les menus russes, mais il y a des pâtisseries qui sont excellentes. Et bien voilà, donc vous voyez une belle tablée. Et c'est un peu, on se sert un peu comme on veut. Hein. Vous voyez un peu il y a de la soupe. Après, il y a des petites amuse-gueules. Après, des desserts si vous le souhaitez. Voilà. Vous voyez que c'est une personne qui est pas trop dans la mécanique anglaise. Tu vois, là pour le coup, c'est pas un anglais. Hein. Donc c'est très convivial. Ça reste, il n'y a pas de comment dire de rigueur d'étiquette. Ouais, d'étiquette. Voilà. Ouais. C'est pas d'étiquette. Hein. C'est beaucoup. Par contre, vous voyez que Emilio est très discret. Il parle pas beaucoup. Il est pas trop à l'aise. Ouais. C'est pas trop un environnement qui maîtrise. Il se sent pas trop à sa place. Faut que j'utilise quelle cuillère, hein. Merde. Quelle cuillère pour le poisson, c'est ça. Donc après, si vous avez rien de spécial à faire dans la soirée, ben on peut tout simplement dire si que les jours, enfin soit là vous avez prévu de faire des trucs dans les deux jours, ou alors on peut directement passer au jour J où vous rencontrez, vous allez voir Monsieur Smith à sa conférence. Je pense qu'on va juste sympathiser hein, pendant deux jours. Ouais. Oh, bon, j'invite ceux qui veulent à faire une partie de pêche dans un détend du coin, et puis voilà, c'est le temps. Et puis, sinon, salon, chérie, beuverie. Il y a quoi, les petits tours reposés. Bibliothèque, privée. Ok. Ouais, bah écoutez, donc vous passez. La journée, le lendemain, à faire pour certains un peu de pêche. Emilio, peut-être que tu aurais envie de faire un peu de pêche avec Monsieur Nelson, pour changer. J'accepte son invitation, mais je ne pourrais pas rester toute l'après-midi avec lui parce que j'ai des impératifs. Non, d'un moment, tu vois que. Très tôt le matin, la pêche, et moi. Ça finit rarement jusque dans l'après-midi. Si on rentre au bredouille à 10h30, c'est qu'il n'y a pas de poisson du tout pour la journée. Donc la journée se passe, Catherine elle va un peu profiter de la journée pour s'aérer un peu l'esprit quoi. Ça a été quand même une longue période avec ses collections où elle a beaucoup travaillé, ça a été très épuisant et là elle a besoin un peu de souffler, donc ce petit séjour londonien va lui permettre un peu de se relaxer, profiter un peu de la nature, du calme de la propriété de Monsieur Nelson hein. Monsieur Tijon Parker, Peter Parker. Peter T. Franklin, non mais c'est le petit Peter, lui bon, je sais pas, tu bah moi je vais un peu me détendre et être isolé dans cette demeure. Je vais pas trop sortir, je crois que tu vas un peu regarder tes... Tu vas regarder peut-être les scénarios qu'on t'a envoyés, potasser un peu les prochains films. Je m'y intéresse pas. J'ai décidé qu'aujourd'hui je fais un peu un point sur ma carrière et que bon, ce voyage en Angleterre, c'est un peu sortir des caméras et des photographes des États-Unis. Donc autant que je profite de mes journées pour ne rien faire. Tu as remarqué que contrairement aux États-Unis, quand tu es arrivé à Londres, t'as pas senti que les gens te connaissaient réellement? Tu vois, d'habitude, quand tu te balades chez toi, les gens... Oui, je pense que c'est parce que certains de mes films ne sont pas encore arrivés. Et là, bizarrement, à Londres, t'es passé un peu incognito, quoi. D'ailleurs, ça t'a un peu peut-être embêté, quoi, parce que t'es habitué un petit peu à cette célébrité. Ça touche mon orgueil, mais c'est ce que je préfère que ce soit le cas pour passer des bonnes vacances, entre guillemets. Ok. Du coup, la journée va passer, la soirée, bah, pareil, hein, vous allez continuer à discuter de choses et d'autres. D'ailleurs, je voulais poser à Catherine, elle est styliste, mais styliste homme ou femme, ou les deux ? Mixte. Je fais des éditions, enfin des... Excusez-moi, j'ai perdu le terme, mais des collections qui sont généralement à thème. Donc des fois, je me concentre uniquement sur des hommes, des femmes, mais plus souvent, on me demande des collections mixtes. Ça dépend de la personne. En règle générale, plutôt des créations ou des costumes. Effectivement, je fais beaucoup de créations, vous savez... qui, on va ne pas se mentir, ne sont pas forcément dédiés à la plèbe. Qui n'importe qui n'est pas fait pour porter ce genre de vêtements, mais ce sont des collections généralement assez privées. Je tiens à le dire que tous les costumes me vont, vu que je suis acteur, donc ce n'est pas un problème. Vous savez, je ne suis pas très fan du cinéma, je trouve ça un peu vulgaire dans ses procédés. Trop... C'est vrai qu'on n'est pas des hommes de théâtre, mais on est tout du moins des artistes. Trop dans la... Dans... Je ne sais pas comment qualifier ça, mais dans la démesure. Espèce d'attitude... d'attraction, plutôt. Vous cherchez trop à attraper les gens plutôt que de développer une quelconque art, une quelconque fibre artistique. Je trouve ça un peu vulgaire, comprenez ? Ce n'est pas contre votre métier, mais... Vous faites quand même peut-être des œuvres d'art, si je peux appeler ça comme ça, des parures pour attirer l'œil. C'est la même chose au cinéma. On essaie de mettre des beaux acteurs pour attirer l'œil et pour faire montrer au monde notre art. Vous et moi, nous sommes semblables. Oh, je n'en doute guère. Je pense que vous êtes beaucoup plus connu sur ce continent que moi. Peut-être vous êtes aussi très connu aux États-Unis, mais pardonnez-moi, je n'ai pas votre nom. Je me concentre principalement sur le territoire européen, et notamment la France, qui a un certain goût pour ce genre de collection. Ah, j'imagine. Et oui, effectivement, pour l'instant, Catherine, en Europe, est plus connue que toi. Ah bah oui, je suis pas connu moi donc. D'ailleurs, tu as remarqué que quand vous étiez au musée, que des gens sont venus discuter un peu avec elle, demander des autographes. Venue dans la honte. Oui, parce qu'elle fait, elle fait de. C'est pour que je compose hein, la honte. Je lui demande juste si. Pour simple présentation, peut-être voir si elle a des cahiers montrant ses œuvres, bien qu'elle les porte peut-être sur elle. Je pense que je serais curieux, juste comme ça, au moins de faire penser à autre chose. J'ai envie de découvrir, voilà, peut-être certaines passions des gens. Je n'ai pas forcément toute ma collection sur moi, vous en doutez bien, mais je trimballe toujours un petit carnet pour pouvoir faire des croquis et m'inspirer lorsque je peux. Je peux vous montrer ceci, aucune de ces œuvres sont finalisées, mais ça peut vous donner une idée. Et du coup, dans mes affaires, parce que je suppose qu'on doit être là où sont mes affaires... Tu prends ça, tu lui montres, voilà, effectivement. Tu portes des fabuleux croquis. Bon, bah, je te fais des compliments, même si je comprends pas grand-chose. Donc, je pense que... Magnifique. La ligne est magnifique. Mais... Les couleurs noir et blanc sont magnifiques, mais c'est un dessin croquis au crayon. Ah. Du coup, la soirée se passe, vous passez un excellent moment. Puis vous allez vous coucher le lendemain. Le 3 janvier, j'ai marqué. Le 3 janvier. Le 3 janvier, nous sommes donc aujourd'hui le 3 janvier. Et c'est le fameux jour de cette conférence Challenger. Qui se déroule au Kensington, enfin à l'Institut Kensington. Ouais. Donc vous vous rendez tous là-bas. Hein. Son Bessboro vous a emmené dans sa calèche avec son cocher en mode calèche royale, tu vois, avec tous les trucs qui vont. Carrosse. Un carrosse de luxe. Voilà. Vous voyez. Là, d'ailleurs, vous avez pu remarquer. Et enfin, vous avez remarqué il y a un petit moment, mais que Catherine, c'est ça, hein? Hop, ne bougez pas, ça revient. Ne bougez pas, ça revient. N'ayez point de crainte. C'est pas un chien sac à main non plus. C'est pas un chien, pas un chien sac à main. Un beau voilà, golden. Tout va bien. Nous sommes de retour. Nous vous écoutons. Voilà. Donc, là, son chien, golden retriever, très affectif, qui traîne toujours avec lui. Bon, alors, je suppose que tu vas pas l'emmener à la conférence, hein. Non, pas du tout. C'est un dernier au revoir. Et donc, vous vous rendez. Ok, à l'Institut Kensington. J'ai lagué. Hein? J'ai un peu lagué là, excuse-moi. Mais vous vous rendez à l'Institut. Mm-hmm. Et vous voyez que c'est un bâtiment un peu dans le même esprit que le British Museum. Très joli, très ornementé. Il y a beaucoup de dorures et tout ça. Et quand vous vous présentez à l'accueil, vous nommez, vous rendez compte que c'est assez select et que on ne rentre ici que sur invitation. C'est pas le premier benet qui peut y aller. C'est le haut du, c'est la haute société qui peut se rendre dans ce genre de conférence, dans ce genre d'institut. Et vous avez la chance de pouvoir y aller. Je pense que Nelson a ses invitations dans tous les instituts, donc. Oui, Nelson, probablement. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas. Que ce soit avec de l'argent ou des connaissances. Mais vous voyez que ce sont des endroits assez riches. Voilà, c'est que des personnes très riches, des costumes des plus belles factures, des femmes qui sont. Maquillée comme il faut, élégante, chapeau de forme, enfin le beau chapeau, tout ça. Chapeau à bas-jour. Voilà, bas-jour. Tout comme Catherine d'ailleurs, vous voyez que énormément de femmes se dirigent vers Catherine et sont là. Oh, mais Catherine, c'est vous, madame Lamberston? Oh, voilà, j'adore votre collection. Donc, elle sait pas trop où donner de la tête parce qu'il y en a partout. Toutes les femmes, alors que les maris. C'est comme ça. C'est, je garde la tête haute et je fais juste oui, oui, c'est moi. Vous voyez d'autres, les maris qui eux sont cigares à la main, de scotch, en train de discuter des affaires. Donc ça parle avec beaucoup d'argent. C'est pas. Voilà. Donc, vous vous baladez là-dedans, et puis... Est-ce que, monsieur, est-ce que on connaîtrait la teneur de cette conférence? Eh bien, quand vous arrivez sur les lieux, et en fait le thème de cette conférence, et ce sont sur des études sur les arts un peu... pas mystique, mais... Occulte. Ouais, il y a un peu d'occulte, il y a un peu de la métaphysique. Vous voyez que c'est plus pour mettre au grand jour peut-être des charlatans, Je vous invite, messieurs et mademoiselles, à vous asseoir au fin de rangée. Bout de salle, au cas où il faudrait s'éclipser discrètement. Ce n'est pas des enchères, donc il n'y a pas à se mettre en avant. Il y avait des panneaux. C'est qu'une conférence bas de gamme. Oui, mais c'est la conférence de votre Monsieur Smith. On sera là pour l'ami, mais pas pour, peut-être pas pour les autres. Donc, bah en fait, il n'y a que la sienne. C'est, c'est que la sienne. En fait, il faut vous imaginer que la fondation Challenger invite des personnes pour qui ont des projets et qui par moment et après si le projet est valable finance les projets de certaines personnes. Donc là, en gros, le professeur Smith est là pour vanter un projet qu'il a en route et espérer peut-être détenir une bourse de cette fondation Challenger par la suite. Du coup, bah vous voyez les gens commencent à s'asseoir, le professeur Smith qui vient devant vous, enfin devant l'auditoire, et qui commence à un peu parler de ses méthodes d'analyse pour démasquer les médiums, les faux médiums, les spiritualistes, les diseurs de bonne aventure, tous ces gens qui vous font croire à des choses surnaturelles qui en soi peuvent vite être démasqués. Ils vous montrent des images, des photographies de tout leur trucage. Vous voyez des vidéos, une vidéo qui tourne. Je sais pas ce qui se passe dans. que se passe-t-il? Ça, c'est la préparation à chaque fois. Hein. Ils sont incapables d'être. Ouais, en fait, vous voyez le professeur qui pose des choses. Voilà, ça... Mais c'est une grande salle, donc ça fait beaucoup d'écho, tu vois. Ça fait beaucoup de bruit. Je sais pas ce qui se passe réellement. Alors, par contre, en fait, l'horreur, normalement, c'est après, et c'est le MJ qui le fait, donc reviens. Ouais, parce que là, je m'inquiète un peu, tu vois. enfin bon bref, vous voyez qu'il argumente sur la façon dont il démonte les faux gars en fait. Enfin là du coup ça m'a un peu fait perdre le fil. Les charlatans voilà, merci. Une fois qu'il a fait ça, il commence un peu à parler de choses. Du coup, vous sentez que dans un premier temps, il a démonté les faux, et ensuite, il commence à parler de l'occulte, du vrai occulte, quoi. De tout ce qui est hanté, mais vraiment, pas de supercherie. Comme s'il il travaillait sur des choses mystiques un peu. Il est persuadé de ce qu'il dit, quoi. Ouais, voilà, et quand vous l'écoutez, ben, ça a l'air sérieux, quoi. Ça a l'air d'être quelque chose, il a travaillé beaucoup dessus, et que ça a l'air assez intéressant. Disons que la conférence va durer 2 bonnes heures. Vous voyez que les gens vont applaudir, c'est vraiment un auditoire qui a été captivé par ce qu'il a dit. De votre côté, bah, après vous êtes plus ou moins attiré par ce qu'il raconte, hein, ça peut ne pas vous intéresser du tout. Hein. Mais bon, la conférence se termine, les gens se dirigent vers le salon des invités, en gros, enfin de la réception. Et vous avez divers trucs, enfin des amuse-gueules, du très bon vin, du champagne, du whisky qui est servi. C'est là que vous savez que vous avez affaire à quelque chose d'un haut standing. Hein. C'est pas le petit amuse-gueule, le petit machin tout dégueu, la petite saucisse. Saucisse de Strasbourg. Knacky, voilà, que tu manges là, c'est très raffiné, c'est très classe, quoi. Donc, vous êtes en train de discuter. Vous voyez que le professeur Smith est très sollicité. Plein de gens qui parlent autour de lui. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous en profitez Vous en profitez pour discuter un petit peu, peut-être, de tout ça Juste à savoir, il existe une brochure, un truc là par rapport à ce qu'il a exposé, je veux dire. Tu trouves qu'il y a un petit dépliant, ouais, enfin. un petit résumé en gros de ce dont il a parlé. Mmh. Et il y a de là en fait des petits panneaux avec des photos, des trucs un peu pour étayer un peu tout ce que... Il a mentionné une culture sud-américaine, maya essentiellement. Non, là c'était vraiment axé sur un truc un peu. Il aurait cité des divinités perdues, oubliées. Paranormal. Non, il a pas parlé forcément de dieux, de machin. C'était plus là, il a plus parlé de fantômes, de sites hantés, de ces choses-là. Il a tout pour plaire. Et bon, et après voilà, c'est principalement ce que vous avez vu, hein. Ouais. Je saurais pas en débattre comme ça à froid. Hein. Parle. Oui, en effet. J'aimerais bien entretenir une discussion avec lui vis-à-vis de ça. J'ai écouté pas mal de, j'ai vu et lu pas mal de ses recherches. Jusque-là, jamais il a pas. Oui, je. Force obscure. Je suis tout aussi surprise que vous, mon cher. Vous revenez de vous être poudré le nez, mademoiselle. Non, monsieur. Non, mademoiselle Catherine. Ah, après. Du coup, à un moment donné, vous voyez le professeur Smith qui se pointe. Alors, mes amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ma conférence? Alors, un peu de manière sceptique, mais déjà, je vais pas lui montrer, je suis en mode. C'est très très intéressant en réalité, vraiment, chose fort captivant. Oh ben merci beaucoup, hein. Je sais que bon, tout le monde n'est pas forcément attiré par ce genre de choses, mais bon, écoutez, on n'a pas toujours l'occasion, l'honneur de partie de pouvoir faire une conférence à la Fondation Challenger, donc c'était pour moi un grand honneur. Sachez que imaginez, Edison a été à la Fondation Challenger, Marie Curie a été à la Fondation Challenger, vous avez Van Zeppelin aussi, ce sont des d'imminents scientifiques, et lorsque l'on m'a proposé d'en faire partie, eh bien écoutez, je n'ai pu refuser, ça ne se refuse pas, vous comprenez. Donc j'ai proposé mes dernières recherches. Je me suis un peu détourné de mes origines archéologie, littérature, ces derniers temps, pour un peu me concentrer sur des trucs un peu plus occultes, un peu plus mystiques, on va dire. Mais pourquoi ce revirement de l'archéologie à la parapsychologie ? Ben, disons que de par mes recherches en archéologie, et comme vous avez vu, quand nous sommes allés au British Museum voir cette exposition, de fil en aiguille, entre l'archéologie et on peut. Oh là là. Excusez-moi toujours, hein. Premier, on va essayer de régler ça. C'est le Discord navigateur qui est un peu chieur. Hop, hop, hop, ça recharge. Voilà, on continue. Et voilà. Donc, mais après oui, c'est vrai que je parle beaucoup de sites hantés et non de fantômes ou d'esprits, puisque ce sont tous tous ces épiphénomènes, hein, vous comprenez, peuvent être peuvent être liés à des bâtiments, des objets, des gens aussi, hein. C'est très varié. Et donc vous voyez et au moment où vous discutez, je vais vous demander de faire le premier jet officiel pour vous tous, qui est un jet de trouver objet caché que vous allez balancer dans en plein milieu du chat. Alors est-ce que je le trouve, où est-ce qu'il est là ? Loupé ! Loupé ! Alors attendez, parce que là du coup ça va très très vite. succès. Bon bah lis plus vite aussi, au moment. Ah oui, désolé. Hein. Bon bah vous, comme vous êtes trois à avoir je vais pas commencer à enlever les casques et tout ça parce que bon il y en a trois déjà, c'est rare. Catherine, Peter et toi Emilio, au fur et à mesure que vous discutez avec le professeur Smith, vous remarquez une personne à plusieurs plusieurs fois vous remarquez une personne qui a l'air de vous dévisager un petit peu, vous regardez comme si elle vous épiait ou elle vous analysait un petit peu. Alors au début c'était un peu en mode bon bah c'était un hasard quoi, elle nous regarde parce qu'on est sûrement avec le professeur Smith, mais au bout d'un moment vous vous déplacez un peu et vous voyez toujours cette personne qui vous mate. Vous remarquez que c'est un homme avec une moustache assez fournie, clairement c'est pas un anglais, c'est pas un british, il est comme ça là, de prime abord vous pensez à quelqu'un de type turc. Si vous deviez donner une Moyen-Orient. Moyen-Orient. Mais bon, au fur et à mesure, vous remarquez qu'au bout d'un moment, à force de le regarder, bizarrement, hop, il disparaît. Et vous avez beau chercher, vous le voyez plus. Mais bon, c'était bizarre, quoi. Ça faisait vraiment... C'est bizarre de se faire épier, quoi. Je l'ai pas vu, moi. Bah oui, je sais. J'ai rien vu. Toi, t'étais à fond dans ton... Moi, j'ai dans mon verre de whisky. Plein d'expectations, on va dire expectations. Interrogation. Le plus beau regard noir, en réalité, quand... dès que je vois qu'il nous yote en mode... Qu'est-ce qu'il me veut celui-là ? C'est prêt pour qui ? De quoi ça ? Mais c'est le yeux, toi d'abord, wesh. Non, mais exactement, c'est. Allô ? C'est comme ça. Oui, on t'entend. Ah, non, oui. J'ai eu peur. Moi, je vais chuchoter en voyant que Emilio, du coup, l'a repéré. Parce que vu le regard, je me doute bien qu'il se dirige vers la même chose. Je vais chuchoter à Emilio en espérant que je puisse compter sur vous au cas où cette personne s'avérait dangereuse. Hein. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Le danger, ça me connaît. Oh, intéressant. Eh bien, du coup, la conférence se termine. Je sais pas. Est-ce que vous voulez continuer à... Enfin, vous voulez rester sur les lieux, boire un verre Moi je reste après pour l'after, la petite after de France, au pied du puits, là. Ouais. Le puits. Et je continue à interroger ce cher professeur là, mais vos recherches vous ont porté jusqu'au où jusqu'à présent, parce que... J'ai voyagé un peu partout, comme vous le savez, j'adore voyager. Sur qui ? J'y suis déjà allé, j'ai déjà eu la chance de pouvoir aller à Constantinople, c'est une magnifique ville. L'architecture, l'art ottoman est quelque chose de formidable. C'est très enrichissant. Et la culture, les gens sont extraordinaires. Mais il m'est arrivé aussi d'aller dans d'autres pays. J'y suis allé en Égypte, je suis allé... Mais jusque-là, vos recherches vous ont arrêté où ça ? Là où vous avez buté et là où vous avez encore des interrogations, là où vous cherchez à avoir des... En soi, j'ai pas forcément... Là, c'est plus... c'est pas vraiment des interrogations, là. C'est juste... j'analyse les choses pour l'instant. J'essaye de recueillir des données, des informations d'un peu partout. Et j'avance au fur et à mesure, quoi. Mais là, c'est plus des données, des analyses, voilà. Que dire de plus ? D'accord. Voilà. Sur ce, je vais devoir... Ami, vous... je dois... Oui, effectivement, on doit se libérer. Ce que je veux vous proposer, parce que bon, nous n'avons pas eu vraiment l'occasion depuis, avec tout ça, c'est compliqué. J'aimerais vous faire venir à la maison d'ici 3-4 jours. Enfin, ouais, 3-4 jours, si vous me permettez. Ma bibliothèque est presque terminée et je pourrais vous inviter. Ce sera. Vous avez des travaux en ce moment ? Oui, je suis en train d'agrandir ma bibliothèque. C'est pour ça que je vous enverrai un télégramme dans 3 jours. Mais sachez que oui, je serai heureux de vous avoir à la maison. Très bien. Voilà. Okay. Donc sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. Et vous voyez qui s'en va. Et toujours au fond à l'entrée, ce fameux majordome qui l'attend. Et il s'en va, il disparaît, vous laissant parmi tous ces gens qui discutent de tout et de rien, de la conférence et d'autres choses. Je sais pas ce que vous en avez pensé, cher ami. Ça m'a un peu éreinté de venir écouter tout ça pour des vibrations. Encore des vibrations, des interrogations. J'ai pas envie de dire barbant, mais... Nous n'en sommes pas loin. C'est limite. Malheureusement, la théorie... Donc je vous offre encore une nouvelle fois mon hospitalité, si vous le désirez. J'aimerais qu'on soit prudent. Emilio pourra confirmer, mais il me semble avoir été épié durant cette soirée. C'était une soirée, non ? Oui, c'était la soirée. J'ai fait 33, moi aussi je l'ai vu. Oui, mais toi tu me l'as pas fait remarquer, je ne suis pas devin, donc je n'ai pas pu savoir, désolé. C'est vrai, c'est... C'est encore bizarre. Mais du coup, tu peux confirmer quand même. Mais voilà, il me semble avoir été épié par un homme. Je n'aime pas trop ça, personnellement, je vous rêve. Allons rentrer chez moi. Il commence à se tarder et le temps se gâte. Ah, oui. Ou si vous n'avez pas la calèche, prenez l'auto. Je sais conduire. Ah mais j'ai envie de vous voir au volant. Conduite sportive. Ah bah là non, j'ai pas envie de vous voir au volant. Si je vous dis que j'étais pris pour un rôle de cascadeur une fois. À 30 km/h sur une rampe, ça doit donner beaucoup d'effet. En réalité, je suis d'accord avec vous. Je pense que votre demeure est mieux que l'hôtel. Donc. Bien sûr. Et je préfère peut-être pas abuser de votre hospitalité. Non, c'est moi qui vous l'offre. Comme vous m'avez proposé. Hop là. Je vous transmets d'ailleurs... C'est de la belle chair. Ce que je n'avais pas fait, ce que j'aurais dû faire déjà depuis le début, mais bon, pas faire ça. Le fameux institut, c'est là où vous êtes allé pour la conférence. Institut Kensington. Vous allez donc vous tournez tous chez Monsieur Nelson Bessborough. Oui, c'est. Ok. Oui. Il nous offre le gîte, on va pas refuser. Moi, je veux juste sur le trajet être quand même prudent de pas être particulièrement suivi par une voiture, par quoi que ce soit. Ouais. Bah écoute, tu fais attention pendant le trajet et rien de, tu notes pas de. Tu vois pas forcément une voiture qui te suit ou quelqu'un ou... C'est... Voilà. Donc, après, peut-être, quelque part, est-ce que c'était vraiment ce que tu pensais ? Je ne sais pas. Peut-être. C'est quelque chose que je n'aime pas. Non. Écoute. Disons que il va se passer 2 jours. Pendant ces 2 jours, je sais pas, vous allez faire ce que vous avez envie de faire, que ce soit aller à la pêche. On démêle les draps, on laisse les domestiques les refaire. Voilà ce qu'on va faire. Voilà. J'ai demandé des télégrammes pour envoyer des télégrammes aux États-Unis. Ça coûte une blinde, je sais, mais. Oh non, mais. Donc nous sommes maintenant le 6 janvier. La journée est plutôt. c'est grisâtre, enfin c'est gris, hein, on est à Londres, hein, et on est au mois de janvier, donc hein, je vous laisse imaginer, il fait quand même frais, hein, c'est pas une journée exceptionnelle, mais... qu'est-ce que vous pensez faire de votre journée? C'est aujourd'hui qu'on doit se rendre chez Smith. Non, c'est... c'est demain. Le lendemain. Il nous a dit entre 3 et 4 jours. Donc, Ouais, c'est demain. Et ben... Je lui envoie un télégramme là, ce jour même pour le prévenir pour notre venue le lendemain, après le repas. Et vous avez prévu de faire quelque chose dans la journée? Moi, je comptais aller à l'hippodrome, en réalité. Ouais, l'hippodrome, d'accord. Les autres, sinon? Bah, si tu veux proposer l'activité, je viens. Oh, c'est uniquement pour le travail. Je veux voir d'autres actionnaires et tout ça. Hein. Vous pouvez me dire. Ouais. Je connais mon neveu, qui est pas mal joueur. Peut-être que vous le rencontreriez. Peut-être que je connais votre... Comment il s'appelle ce crétin déjà? Dayton! Peut-être que vous connaissez Dayton? Alors là. Charge dans la mémoire. Peut-être. Je lui ai peut-être cassé les genoux, je sais pas. Peut-être que c'est lui qui doit. Est-ce qu'il a encore des genoux, le petit Dayton? Emilio donc se rend au champ de course. L'hippodrome. Je viens. Et il est suivi par son ami de toujours, Peter. Bien sûr. Que va faire notre chère Catherine? Je n'ai honnêtement, je crois, pas de grande activité à prévoir. Ma venue sur le London, en plus, n'a pas été prévue. Donc, je pense que je vais juste profiter. Rester sur le domaine de Nelson Bessborough. Peut-être profiter de la ville directement, aller voir aller dans Londres. L'exposition. Et... Ouais, d'accord. Je reste dans ma période de repos après le gros travail. Et toi, Jeremy Nelson? Rien de particulier, moi, je reste à la messe. Je mets la pipe au pied de la cheminée avec mon chien. Je papote avec mon valet, mon pote d'enfance. Ouais. Et voilà, tout simplement. Une journée pépère. Il y aurait la télévision, je regarderais la route de la fortune, tu vois, mais... Déjà, la radio, route de la fortune n'existe plus, et puis la télévision, merde. Ouais, t'écoutes la radio. Il y a la radio en 1920? Oui. Radio en 1920? Ça me semble pas improbable, je ne connais pas les dates, mais... C'est pas improbable, mais... C'est bien archaïque, hein. Je crois que ça existait déjà en... Ouais. C'est ça, c'est vieux, parce que comme c'est technologie militaire... Ouais, la création de la radio, c'est... Bah si, la BBC. Bah, 1900, ouais. 1900 Les premières applications, ouais, c'est dans... Enfin, ça a l'air de... Je pense que oui. Hein. J'avoue que j'ai pas fait mon boulot. Quoique. 1922, bref. La création de la BBC, la chaîne radio de Londres. Donc c'est bon, alors. C'est bon. Mais non, le gramophone, ça va mieux. Mais c'est trop nouveau high-tech. C'est trop high-tech. D'accord. 20 ans ou pas? Bah, du coup... Donc, du coup, tu fais quoi, Nelson, alors? Parce que du coup, j'ai pas... Ah non, pas... mais farniente à la maison. Farniente, d'accord. Pouf, tabac, voilà. Et puis discuter avec le pote d'enfance. Bah, quoi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que toi, Emilio, Peter et Catherine, vous allez faire un jet de toc. S'il vous plaît. Je vais trouver quelque chose à Londres. Je vais toquer à toutes les portes. J'ai Netflix, ouais. Merde, 90. Alors, attends. Ah, on fait quand même des succès dans la vie. 10 succès. Ok. Alors, je vais demander aux Andes dans le cas, sauf Emilio. Moi, par contre, j'enlève littéralement mon casque. Hein. Ouais, y'a pas de soucis. Vous allez couper vous pouvez couper votre casque directement sur le groupe, hein. Tu sais, vous avez le truc couper le casque dans Discord. Si ça vous évite d'enlever. Okay, bah, enlève-le, enlève-le. Vois, c'est pas assez pratique, tu vois, donc... Bon, je reviens vite avec la pause bio, moi. Ok, c'est bon. Oui. Donc, Emilio, tu es au champ de course, à l'hippodrome, et ce que tu remarques, c'est un jeune homme qui vend des journaux, tu sais, et venez acheter mon journal, les titres du jour, c'est vraiment incroyable, un homme meurt trois fois. Meurt trois fois, et, merde. Et ouais, et du coup, je t'envoie ça, hein. tu vois ce petit jeune homme qui un homme meurt trois fois, venez acheter mon journal, c'est quelque chose de... Enfin, tu vois qu'il alpague tout le monde pour venir, quoi, la technique de vente de cette époque, hein. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas lui acheter son journal? Bah, je vais lui en prendre un, au gamin. Ok. Donc, quand tu ouvres le journal, tu tombes sur cet article. Attends, hop. Et effectivement, tu vois, un homme meurt trois fois en une nuit. Et trois corps sont retrouvés à l'hôtel. Et que chaque homme a la même identité. Ok ? Ouais. Je te laisse lire l'article et moi je vais passer avec Catherine. Ok. D'accord, okay. Donc tu vas pouvoir couper et Catherine va venir. Alors, Catherine, tu te baladais dans Londres, et puis à un moment donné, tu remarques les fameux jeunes hommes, tu sais, qui vendent les journaux, tu sais, à la volée avec leurs pancartes. Et tu l'entends qui crie « Incroyable, incroyable !» un homme retrouvé mort trois fois. Incroyable. Enlève. Un homme retrouvé mort trois fois. Donc tu vois ce jeune homme là. Mm-hmm. Alors non, tu devrais le recevoir. Si ouais, je l'ai reçu. Mais j'ai un petit décalage parce que je vais pas trop sur Facebook pour éviter que tu sais, vu que Discord. D'accord. Mais du coup, je le vois sur la rediff. Du coup, voilà, donc tu vois ce jeune homme avec... Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu vois ça? Bah, intrigué, hein, je vais aller voir. De toute façon, c'est quelques piécettes, c'est pas ça qui va me ruiner. D'accord. Donc, bah, tu te rends à ta hauteur, tu lui achètes un truc, et il lui dit « Ouais, mamzelle, vous allez voir, c'est quelque chose de fou, hein. Un homme qui meurt trois fois, quand même !» Ouais, c'est bien cela qui m'intrigue, petit. Allez, donne-moi ça. Et donc, du coup, quand tu prends ça, effectivement, tu vois le titre. Un homme meurt trois fois en une nuit et trois corps retrouvés dans un hôtel. Et que le plus troublant, tu vois, c'est que les trois hommes ont la même identité. Trois hommes morts ont été retrouvés hier soir dans un hôtel de Londres, tous portant des papiers d'identité officiels indiquant qu'il s'agit d'un certain monsieur Mehmet Makriat d'Islington. Tous trois ont été poignardés en plein cœur. Les femmes de chambre à l'hôtel Chelsea Arms ont découvert le cadavre. La chambre était réservée au... tu as des papiers d'identité non falsifiés qui identifient les trois hommes comme étant la même personne. Un commerçant en art et en antiquité turque bien installé en ville. Les trois victimes se ressemblent et se sont fait passer pour Monsieur Makriat depuis leur arrivée à Londres, séparément il y a trois jours. Voilà, c'est vraiment assez troublant comme truc. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Il y a eu un homme qui avait la tête à l'envers. Ah merde. Et Non, mais c'est marrant de voir que déjà à l'époque, ils savaient faire du achat qui attire. Du coup, les gens, vous pouvez... Alors, reviendez, les gens. Revidendez. J'ai marqué mon mot. Reviendez. Là, je sais pas ce qu'il fait, notre ami Oxide. Il écoute Spotify, nous dit-il. Ouais. Je fais des signes, mais ça a pas l'air de marcher. Il ne nous regarde point. Je suis super triste, j'ai fait une blague et mon micro était coupé, du coup les spectateurs l'ont pas entendu. Et normalement il est... je sais pas, il est... il est concentré. Il est heureux. Ah. Terrible ça. Donc, votre... se passe, vous... Donc, je sais pas, Peter, mm-hmm. comment se passe pour l'instant ton séjour à l'hippodrome avec Emilio qui, pendant un moment, a disparu de ta vue. Tu l'as perdu de vue. Voilà. Bon, c'est pas le plus important parce que je suis venu pour voir les courses de chevaux. Mm-hmm. Mais c'est surtout en tant qu'acolyte et puis ça me rappelle des bons souvenirs. Après, je vais pas parier en soi. J'ai juste bien observé dans une loge. Bien luxueuse, donc voilà. Et toi, Nelson, toujours farniente à la maison? Ça dépend l'heure qu'il est. Bah là, en gros, il s'est passé une heure. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour l'instant. Moi, j'ai rien fait encore. J'étais aux toilettes. Ah ouais, mais à peine quoi, tu vois. Ok. Peine, il y a le temps de rien faire quoi. Du coup, qu'est-ce que tu fais, Emilio? T'as ton journal dans la main? Je range mon journal et je me rends vers le côté des professionnels, en réalité. Mm-hmm. Vers les endroits où il y aura les... Allez, pas forcément les jockeys directement, mais tout le setup et toutes les personnes qui sont liées, en fait, au milieu là, du sport. Et notamment mes clients et mes... Les bookmakers, c'est ça que tu parles? Oui, voilà, à peu près. Ah ben, c'est bon là, c'est mieux là. Est-ce que je m'affaisse comme ça? Désolé les gens, hein, j'ai un peu... J'ai perdu l'habitude du live hein, en même temps. Et... Oui. Sur ce... Vous, Emilio, tu es en train de... Bon cheval aussi d'ailleurs. Tu es en train de faire... Et puis, bizarrement, il se passe pas grand-chose, alors tu feuillettes un petit peu ton journal. Oui. Et puis, tu tombes sur cet article. Oula. De la même manière, toi, Catherine, ta journée, se passe plutôt bien. T'es pareil, t'as ton petit journal sous la main. D'un coup, je m'interroge, on m'a pas apporté le journal du matin. Mais il y a un abonnement, merde. Essaye d'aller voir si t'es... Je prends mes pantoufles, je vais devant là au pas de porte, mais pour peu que... Tu peux demander à un de tes servants. Hein, c'est surtout ça, ouais, c'est à eux de faire le travail pour moi. Donc. Là, je leur crie un peu dessus. Eh ben écoute, à un moment donné, effectivement, ils arrivent... Ah, oh, excusez-moi, monsieur Bessborough. J'ai complètement oublié de vous l'apporter. Vous avez l'air tellement dépendu. Sérieusement, auquel j'ai pas songé, dites donc. Eh bien, écoutez, le voici, te tend le journal. Merci bien. Et au fur et à mesure que tu passes les pages, tu vois déjà cet article. Ah. Donc tu es en train de lire, très très instructif. D'accord, parce que je voyais une tête de pieuvre verte, je me dis, ah d'accord. C'est un article sur les pleuves vertes du Népal. Et du coup, toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais, Peter ? Tu vagabondes dans le... Ah, avec ton micro, c'est mieux. Ton micro est coupé. Ça a coupé ton micro, remets-le. Oui. oui, je vagabonde dans ma loge. Je ne sais pas sur quoi je peux tomber. Mais oui. Fais-moi un jet de toc. J'adore toquer, ok. Bah, c'est pas bonjour. Hein. Bah, tu vois pas grand-chose dans la loge. Attends. Je demande de faire une relance. Ouf. Je demande à l'arbitre la relance. Ah bah écoute, relance alors. Du coup, ça veut dire que si je rate, là ça peut être sévère, c'est ça ? Ça peut faire pas... Bah écoute. Ça passe. Oui ! Eh bien tu cherches un peu dans la loge et toi aussi tu tombes sur un journal qui traînait là. Et sur ce journal, c'est le journal du jour, effectivement. Et tu tombes sur cet article. Attends, si je te le mets, hop. Donc sur un homme qui serait mort 3 fois en une nuit. Mais le même homme qui serait mort 3 fois en une nuit. Que les hommes ont la même identité. Que cet homme s'appellerait Mehmet Makriyat. Et que selon l'identité, ce serait un commerçant d'art et d'antiquité turque qui est bien installé en ville. Ça paraît quand même troublant. Hein. Tu sens que tu entends d'ailleurs des gens qui discutent un peu de ça autour de toi, genre. Incroyable, t'as vu cet article, un homme qui serait mort 3 fois quand même. Islington, c'est quand même bien au nord là, bien au nord sur la carte. Mm-hmm. Il est mort quand même pas bien, et l'hôtel était pas là, Islington, si C'est un hôtel Chelsea Arms. Islington de Chelsea Arms. Amusant. De ton côté, Catherine, pareil, tu te baladais et puis bon, tu t'es dit tiens, je vais consulter un petit peu mon journal, j'ai pas grand chose à faire. Est-ce qu'il y a pas un jeu à l'intérieur des mots croisés, des trucs comme ça? Et puis, pardon, au fur et à mesure, tu balayes les pages et tu tombes sur quelque chose qui t'intrigue énormément et t'aurais presque un petit peu froid dans le dos au moment où tu le lis. Et d'ailleurs, les deux autres, vous trouvez exactement le même article, que ce soit Peter et Nelson. Que je vais vous donner tout de suite. Voilà. Donc, vous tombez sur cet article. La demeure d'un professeur... On craint pour sa vie. Le professeur Julius Arthur Smith, personne bien connue du milieu universitaire, a été recherché aujourd'hui après l'incendie de sa demeure de St. John's Wood dans des circonstances mystérieuses. Le serviteur de Monsieur Smith, un certain James Beddoes, a également disparu. Des témoins ont vu un homme ressemblant à Beddoes fuir la demeure juste avant le début de l'incendie. Toute personne sachant où trouver le professeur Smith ou Monsieur Beddoes est priée de contacter le sergent Rigby au service des incendies criminels de Scotland Yard. À savoir que... qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes chacun un peu de votre côté, en sachant que vous avez... toi Emilio et toi Peter, vous êtes au même endroit. Catherine est, on va dire, dans le centre de Londres. Et Nelson est dans sa demeure, dans son manoir, à l'ouest de Londres, dans la banlieue londonienne. Je vais personnellement prendre un taxi pour rejoindre immédiatement la demeure de Nelson, afin de... Je suppose que C'est une information qui intéressera tout le monde et c'est mieux si on se concerte ensemble. Mmh. Et donc, Emilio ? Bah, moi, j'ai essayé de retrouver déjà Peter pour l'entretenir de ces faits-là. Et ensuite, je suppose qu'on allait s'éclipser de l'endroit, en réalité. Moi, je vais faire la même chose. J'essaie ok, bah, j'estime ouais, qu'après une dizaine de minutes. Et vous finissez par tomber dans un au détour d'une un couloir l'un sur l'autre. Tu as vu ce qu'il y avait dans le journal ? Tout à fait, tout à fait. Ah bah, je l'ai avec moi, donc c'est pour ça. Il faut. Là, tu vois, je me suis un peu déboussolé. J'essaie encore de comprendre certaines choses. Il faut peut-être rejoindre. On va rejoindre nos amis, hein, oui. Vous allez pouvoir conduire rapidement, vous êtes content. Ouais. T'as vu qu'il parlait d'Arthur. Vroom, vroom, vroom. Ben, pendant ce temps-là... du coup, vous arrivez tous au bout d'un certain temps. D'abord, Emilio et Peter qui arrivent en premier parce que Peter a roulé comme un cinglé dans les rues de Londres. D'ailleurs, Emilio a vomi une fois parce que c'était trop rapide. C'est pour ça qu'il a inventé la pompe punk. Je connais ce genre de truc. C'est bon, je ne voyais pas. Je ne voyais pas pour ça. Il a inventé la coupe punk. Enfin, du coup, non, en fait, il n'a pas vomi, mais il était pas loin et il essaie de garder la face, tu sais, en même temps. Ouais, tout va bien. Il a avalé son truc. Tu veux pas. Il était feu le rouge là. En sachant que les voitures de l'époque ne vont pas à 100 km/h, hein, mais c'est toujours impressionnant puisque nous sommes là dans les premières voitures. Automobilisation. Il n'y a pas encore le code de la route. Hein, qui vont avec des pneus en bois. Vitesses, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de code de la route. Des pneus en bois, tu sais. Donc ils se sont fait quelques frayeurs avec des passants qui traversaient un peu n'importe comment ou les cochers avec leurs chevaux. Pendant que lui, lui évitait. Cacher de la route. et à peu près une demi-heure après vous, c'est Catherine qui arrive à la maison. Vous vous retrouvez tous les quatre dans le salon, le petit salon, encore une fois, où vous retrouvez un Nelson Bessboro assez inquiet. Vous l'avez jamais vu ça, les traits tirés, il réfléchit beaucoup, il fait un peu sa les carbure, 400 sa carbure, ça, les ça, 400 ça, pas ça. Dans la maison. Mais ouais, je tourne en ouais. Sachant que j'ai envoyé deux télégrammes interrogateurs aux deux responsables policiers sur. Mm-hmm. Donc me présentant comme un proche de Monsieur Smith. D'accord. Mais écoute, tu vois tout le monde arriver dans le salon. Je vous laisse. Et là, je leur montre le journal, la une, enfin la une ou la page du machin là. Je pense qu'on l'a tous vu. On l'a vu, on l'a vu. Ah, d'ailleurs, tu vois les trois autres rentrer avec les traits que c'est genre ils sont tous les traits très tirés, très tendus, très inquiets. Voilà. Je m'affale moi sur mon fauteuil, hein. Je m'assois pas, je m'affale dedans. Et je suis sans voix, moi je dis rien. Moi je m'accroupis, je caresse le chien en regardant le feu et je dis ils n'ont pas retrouvé le corps. Oui, mais c'est pas bon signe. Oui, mais le corps de qui? Les trois corps. On a un triple meurtre d'une seule personne et un disparu des flammes. Ah, mais le triple meurtre, je n'en ai pas très grand chose à faire. Hein. Je parle du professeur, bien évidemment. Nelson, pardon, est-ce que je peux vous appeler comme ça? Vous connaissez du coup ce sergent Rigby de Scotland Yard? J'ai jamais eu affaire à lui, je... non. J'ai fait parvenir un télégramme au sergent et un télégramme à l'inspecteur. Ouais. Donc, deux affaires intrigantes suite à la conférence un peu holdée du mysticisme de notre ami Smith. Je n'en fais pas de lien, hein, mais... Oui, James, oui, ce serait... Bedwos. Quoi? Bedwos. James Bedwos. Bedwos. Ah, le majordome de Monsieur Smith? Oui, celui qui... C'est son majordome, moi j'ai pas de contact avec le majordome en lui-même. J'avais quelques contacts avec Monsieur Slater. Il était comment le majordome physiquement? Physiquement, il était assez bien présentable sur lui, un peu corpulent dans sa masse. Voilà quoi, l'accent british et tout. Mmh. Ah, magie. Il y a trop de trucs. Incroyable. Je commence en pile. Oui, bon, après tu peux les fermer et les réouvrir après, tu vas dans images et cartes et tu les as dedans. Mmh. Après. Donc t'es pas obligé de les lire. L'important c'est d'essayer de voir si professeur Smith est en... Dans tous les cas. Ah oui, d'accord. Eh oui, d'accord. Ne bougez pas, ça revient dans 10 secondes. Allez, peut-être à l'inertie. De la paraît, c'est J'ai pas entendu. J'ai pas entendu ce que t'as dit. De là, qu'il disparaisse, et de même, ainsi que de son guitar, c'est un peu bizarre. C'est bizarre. Oui, oui, de toute façon, une personne qui disparaît, c'est rarement autre chose que bizarre, j'ai envie de dire. Il manquait de rien, je pense pas, donc ce serait pas volontairement. Partons des faits, en réalité, je pense. T'es un professeur, la seule arme d'un professeur, c'est la connaissance. Donc je suppose... que si jamais quelqu'un a tenté à sa vie, c'est qu'il a découvert quelque chose, ou quelqu'un, ou je peut-être ne sais que, quoi. Que sa conférence n'a pas plu... à tout le monde. Oui. Oui, mais peut-être il n'allait pas plaire et brûler une maison. Ah, vous savez, nous vivons une époque... Ça peut être très difficile. Puis rappelons qu'il a commencé sa conférence en dénigrant pas mal de personnes qu'il nommait lui-même charlatans, ce que je m'accorde à dire avec lui, mais ça pourrait peut-être blesser certains égos de personnes peu recommandables. De toute façon, ce n'est que théorie, bien entendu, nous n'avons aucune preuve. Je pense que le mieux, ça serait peut-être de voir si nous pouvons pas essayer de... le retrouver. Après tout, il a peut-être juste fui l'incendie, il est peut-être à un endroit caché. J'ai des amis, mais... J'ai souvenir d'une maison de campagne, cher MJ, du professeur... Une maison de campagne préférée du professeur Smith? Tu sais que... effectivement, il a une maison de campagne... tu te rappelles plus trop où. Il en avait déjà fait mention quelques fois. Après, tu sais que mis à part la maison de campagne, il passe beaucoup de temps à son bureau à l'université de Londres, qui est son lieu préféré en fait. Où il passe le plus de temps, ou alors à l'Oriental Club. L'Oriental Club. Eh ben, refuge. Je vais contacter l'Oriental Club, le concierge de l'Oriental Club, pour savoir s'il est passé. Là, on est encore le 6 ou non, le 7? Non, le 6. Le 6. Mais il est parti, c'était hier. Là, en gros, pour. C'était le 5 qui s'est passé l'incendie. C'est dans la nuit de dans la nuit du 5 au 6. D'accord. Tout ce qui s'est passé en fait dans se sont passés la nuit du 5 au 6. Je voudrais contacter le concierge de l'Oriental Club, savoir si c'est passé le Sir Smith ou Sir James Beddoes. Du coup, tu contactes comment? Tu envoies quelque chose? Tu déplaces, vous vous déplacez littéralement sur les lieux? S'il existe les tout premiers téléphones, j'hésiterai pas, j'irai au bureau de poste pour ça. Après, peut-être. Attends, il me semble que ça existait déjà le téléphone à ce moment-là. Oui, normalement, oui. Après, tu peux. Oui, après, vu la fortune que tu as, je pense que tu es tout à fait capable d'en avoir un chez toi. Ouais, mais c'est trop high-tech, moi, j'ai pas chez moi. Et il a une calèche, hein. C'est vrai. Hein. J'ai une calèche, après tu aurais quasiment aussi vite. Tu ferais plus vite carrément de te rendre directement sur les lieux, hein. Ouais, mais on va faire comme ça. Que d'envoyer un message et d'attendre la réponse. Non, mais c'est pas un télégramme, un coup de téléphone. Mais je voulais juste dire que j'irai jusqu'à me déplacer au bureau de poste parce que j'en ai pas chez moi. Et ben. Au bureau de poste, il y en a, normalement. Ouais, mais alors le bureau de poste, il est pas juste à côté de chez toi. Faut que tu prennes. Ah, d'accord, putain, tu fais chier, tu compliques les choses. Attends, tu es dans la banlieue de. Demande aux voisins, ça sera plus simple. Tu as un manoir. T'as des terres avec un manoir. La poste, elle est pas juste à côté de chez toi, tu vois. D'accord. Peut-être la poste, dans sa cuisine. Porter la poste. On va dire, il y en a à la maison. Il a installé un téléphone pour. Non, il a dit qu'il c'était trop high-tech. Non, pas pour lui, mais pour la. Ah, mais ça, je sais pas. Pour la tendance et tout. Ouais, voilà. Comme il dit. Tout comme il dit. Hein, c'est... Mais personnellement, moi, je vous propose au moins qu'une personne m'accompagne. J'ai vraiment envie d'aller voir à l'université ou les lieux du crime, non, je sais pas. Ouais. Ou alors, tu as ça, la maison qui a brûlé. À Saint- oui, mais si on a envie de trouver des trucs, alors, je pense autant essayer dans un endroit qui a pas brûlé. C'est vrai. Ça peut être, ça reste tout de même intéressant de voir le lieu en lui-même, voir si on peut pas déjà comprendre ce qui s'est passé, parler directement avec sûrement la police qui est là-bas, oui, ce genre de choses, parce que oui, j'espère bien, hein, parce que sinon je m'inquiète. Alors qui irait alors du coup à l'université s'il y a des gens donc on aurait Emilio. Je me rends sur les lieux de l'incendie. Ouais, de l'incendie. Après le coup de fil. D'accord. Du coup, nous aurons Nelson et Catherine, c'est ça qui vont sur les lieux de l'incendie? Au moins savoir ce qui s'est passé. Et toi aussi? Ouais, vous allez tous les trois. Donc Emilio va aller tout seul là, oui. En vrai, je pense que il est pas dans un lieu public pour la simple et bonne raison que vu qu'il a disparu, que c'est dans les journaux. S'il serait dans un lieu public, on lui aurait juste dit « Hey, t'as vu, t'as disparu ?» Et du coup, il serait fait « Non, vous inquiétez pas, je vais bien. » Je pense que le fait qu'on a aucune trace de lui peut être inquiétant et je pense que ça peut être... Qu'il se cache, moi, je pense aussi. Hein, ouais, mais peut-être qu'il est en état de choc, tout simplement. Enfin, je veux dire... Ta maison brûle. Ouais, c'est... Le mieux, en fait, c'est juste aller voir et... En fait, c'est un ami, donc... On a peut-être moyen de pouvoir juste retrouver ou juste parler avec la police et dire voilà, nous on existe, on est amis, on devait le voir. Ok. Et comme ça. Okay. Ce qu'on va faire, c'est que effectivement vous allez vous trois donc vous rendre à St. John's Wood et Emilio lui va se rendre de Londres pour essayer de ne serait-ce que d'avoir des informations. Juste entre. Oui. Mais est-ce que c'est moi seul ou tu coupes des fois dans la moitié des phrases? Ça arrive très rarement, mais moi pour l'instant je l'ai eu assez fluide. T'as des coupures, Gossed. Ah bon, mais ça doit venir de chez moi. Dérangeant. Ça doit venir de chez moi. Ok. Continue donc, cher MJ. je tiens à préciser que j'allume ma cheminée à coups de silex, évidemment, comme les. Néandertal. Les nerfs, voilà, les hommes préhistoriques. J'ai la chasse avec des flèches. Et sans arc, évidemment, parce que les flèches, je les lance, hein, j'ai pas fabriqué l'arc encore. Ah bah évidemment, évidemment. Ouais, évidemment. Alors du coup, on va commencer par celui qui est tout seul. Hein. Donc, j'ai envie de dire, arrêt AWC. Voilà, il n'y a pas de souci. Bah oui, parce que tu n'étais pas là en fait. Donc, Écoutez pas, que pour moi. Alors, tu te rends à l'université de Londres. Nelson te fournit un moyen de transport, parce que bon, il est tellement pété de thunes que tu peux avoir ça largement. Tu te retrouves là-bas et elle se retrouve devant un immense bâtiment. Dans le même style que les deux autres que tu as déjà vu avant. Il y a énormément de qui vont et viennent. Tu vois beaucoup de jeunes, des universitaires qui font leur truc. Et tu te retrouves du coup dans l'université. Il y a un bureau d'accueil. Qu'est-ce que tu fais? Je vais à l'accueil. Je fais excusez-moi, je cherche. Le bureau du professeur Smith, je vous prie. Après je sais pas s'il est là, mais vous pouvez toujours essayer. Vous allez au deuxième étage, c'est le bureau, le troisième bureau au fond à gauche. Très bien, merci beaucoup. Mais je ne sais pas s'il est là, vous verrez bien. Donc tu t'y rends. Et quand tu arrives au deuxième étage, une autre personne qui fait l'accueil, en fait, c'est effectivement un peu, là, c'est un peu les bureaux pour les professeurs. Donc en gros, c'est pas pour tout le monde. Hein. En gros, tu sens que donc t'as une hôtesse d'accueil qui est là et qui te demande, oui, bonjour, que puis-je pour vous? Oui, bonjour. Je viens m'entretenir avec le professeur Smith en réalité. Écoutez, il n'est pas présent. Il n'est pas venu ce matin. C'est pourquoi? Il devait me passer quelques-uns de ses écrits en réalité. Ok, tu vas me faire un test de persuasion. Je vais continuer, attends. Je suis en réalité. Professeur à l'université de Rome, notamment. Et mon très cher confrère devait m'apporter quelques lumières sur certains de ses écrits. Et voilà. Ok. Eh bien, écoute, tu vas me faire un jet de persuasion. Ah oui, non, mais je... Alors, ça, c'est... alors, persuasion... Ouais. Ça. En cachet, en... Non, tu le fais. C'est bon. Eh bien, c'est un échec. Alors, tu restes là-dessus ou tu essaies quelque chose? Je vais. Soit tu le rejettes, soit tu as des points de chance. Je vais utiliser des points de chance. J'ai utilisé 10 points de chance en réalité. Ouais. Bah écoute, tu t'enlèveras les 10 de ta chance. Où est-ce que tu l'enlèves? C'est là-dedans, ça. Mais tu vas dans ta caractéristique chance là dans la dans donc, les j'ai plus que 55 de chance. Voilà, c'est ça. Écoute, et ça a validé, je sais pas si c'est bon. Eh bien, tu y arrives. Mais écoute, d'accord. Écoutez, je vais vous ouvrir son bureau et puis vous ferez ce que vous avez à faire. Par contre, essayez de ne pas mettre de trop de soucis. Je sais qu'il c'est quelqu'un de très soigneux. Il aime que ses affaires soient bien rangées. Donc voilà. Et vous me rendrez la clé juste après. Oui, pas de soucis. Ok. Donc elle te donne la clé. Tu te rends à son bureau. Hop. Tu te rends à son. Quand tu arrives à l'intérieur. Tu trouves une pièce parfaitement rangée, exactement comme est-ce qu'elle t'a dit tout à l'heure. Il y a des... quand tu regardes un petit peu partout, rien d'exceptionnel, quoi. C'est beaucoup de bouquins, beaucoup de... Mais je vais essayer de chercher en fait un carnet ou un livre dans une bibliothèque qui a l'air d'être un peu plus lourd que les autres, ou enfin plus lourd qu'il n'y paraît, ou bien qui sonnerait creux, ou je ne sais quoi. Alors attends, je vais dire ça tout de suite. Regardant les réunions des différents du comment ça fait, du bureau, pour trouver s'il n'y a pas une sorte de cache, ce genre de choses. Ouais. Alors attends, je te dis ça tout de suite parce que je suis en train de regarder deux trois trucs. Hop. Désolé, hein. J'essaie de. Et je prends bien mon temps, bien sûr. Hein. Je suis pas pressé. Je... Truc bien. Hop. Et ben en fait, quand tu cherches, tu vas me faire un jet de toc. Pardon, je vais fermer ma fiche. Ça passe. Effectivement, en cherchant, à un moment donné, dans un tiroir, tu trouves un bouquin assez travaillé, une belle couverture. Et quand tu ouvres la première page, il te met... c'est marqué. Attends, il te met. Hop. Que. À ne pas. À ne pas lire tout de suite. Genre, quelque chose, dire. Pour. Comment te dire ça? Pour les enquêteurs. Attention, les enquêteurs. Vous. Ce journal est à lire quand vous vous rendrez sur Paris. D'accord. Voilà. Et c'est la seule chose que tu trouves. Il y a rien d'autre. Je récupère ça et je prends un autre livre en fait. Je sais pas ce qu'il a un de ces livres là. Ouais, tu peux prendre n'importe quel livre. Tu peux. Voilà, tu peux... de son nom, tu vois, qu'il a publié, dont il est l'auteur. Mmh. Et je rends la clé. Je dis merci beaucoup. Ok. Très bien, toi. Belle demoiselle. D'accord. Bon, bah, du coup, tu peux. Voilà. Replop. Voilà. Donc, vous vous rendez effectivement sur. Au domicile de. Auparavant, oui. Mes deux coups de fil via au sergent et à l'inspecteur, ils ont donné rien du tout. Ils ont donné. Tu sens que. Non, c'était pas ça. C'était face au concierge du club Oriental Club. T'as eu une réponse comme quoi il n'a pas vu le professeur Smith aujourd'hui. D'accord. Il n'y a aucune nouvelle de lui. Rien du tout. Alors, donc vous vous rendez sur les lieux, sur le à la résidence privée du professeur Smith à St. John's Wood. Ah, si j'arrive à aller sur la bonne page. et vous, effectivement, vous voyez une maison complètement calcinée. Il y a des poutres fumantes, il reste quasiment rien de la maison, quoi. Tout a cramé, c'est juste une horreur. Tu te dis, voilà, si quelqu'un est là, enfin, si quelqu'un est resté là-dedans, il est juste mort, quoi. La police est sur les lieux. Vous voyez effectivement des agents de police qui patrouillent et d'autres qui sont un peu dans les décombres en train de chercher ou pas même, limite, bon, tellement cramé qu'il n'y a plus trop grand chose à chercher maintenant, mais effectivement, vous voyez des agents de police. Bah, je vais me diriger vers eux, du coup. On va les interpeller. Ouais. Bonjour, madame. Excusez-moi. Je suis une amie du professeur Smith. Vous avez des nouvelles? Je dois dire que en ce moment, c'est pas trop. Vous l'avez toujours pas retrouvé? Non, on a toujours pas retrouvé de corps. Et, on a fouillé les débris, les décombres, et aucun corps n'a été trouvé dans cette maison. Mais on est toujours à la recherche de... Des ossements, quelque chose ? Oh, rien du tout, monsieur. Et comment un tel incendie a pu se produire ? Enfin, nous devons normalement avoir une réunion avec lui le lendemain. Et je comprends pas comment une telle chose... On a essayé un petit peu de chercher nous aussi de notre côté c'est quand même voilà, on sait que c'est un incendie, pas vraiment si c'est un incendie qui a été causé de manière délibérée ou un accidentel. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, son majordome a été vu quittant la maison avant que tout parte en flammes complètement. Un tel homme dévoué. Qui a dit que le majordome est sorti des flammes? Nous avons des témoins qui auraient vu son majordome partir de la maison. Il est parti. Des badauds locales, un pied. Non, des gens du quartier qui ont vu ça. Il est parti en voiture et il est parti... Il est parti... ils l'ont vu quitter la maison à pied dans un premier temps. Et après, ils n'ont pas forcément vu de véhicule. Mais peut-être. Peut-être avait-il un véhicule. Peut-être, on ne sait pas. Bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'il serait parti... qu'il aurait quitté la maison avant que la maison brûle totalement. Et... Cela, à la limite, nous importe peu en tant qu'amis de Smith. Moi, ce qui m'interroge, c'est de savoir s'il est encore en vie. Comprenez que c'est un ami de longue date. J'aimerais avoir de bonnes nouvelles depuis longtemps. Et, est-ce que vous avez cherché ailleurs qu'à la maison? Il y a eu des recherches non loin. Peut-être qu'il a eu temps de partir. Il est peut-être évanoui non loin. Ça s'est passé cette nuit, comprenez. Là, pour l'instant, on est en train d'essayer d'analyser un peu là. Dans sa maison, il a un petit terrain, il a un petit truc, une cabane de jardin, il a un petit bosquet de jardin, un truc, une fontaine, chose. Ou c'est juste un immeuble qu'il a, il habitait un immeuble. Ah non, c'est une résidence personnelle, donc c'est pas un immeuble quoi, c'est une maison et puis après oui t'as un petit potager, un petit machin, c'est quelque chose c'est pas une petite baraque quand même parce que tu vois pour quelqu'un qui a un majordome c'est quand même il a une certaine qualité de vie, mais oui s'il a un jardin, une petite zone. Je demande la permission au sergent si je peux visiter un peu le lieu de l'incendie. Tu vas me faire un jet de persuasion alors dans ce cas-là. Je te persuade. Et puis t'essaieras après de me dire comment tu fais. Persuasion. Fais-nous rêver. Yes. Vas-y, joue-le-moi. Petit coquinou. Ah bah écoute, j'ai réussi, pas qu'à petite... faire. J'ai pas de moustache, tu m'as pas fait de bonhomme à moustache. Hein. Je me gratte le menton, je fronce les sourcils en baissant un peu la tête histoire de montrer un regard bizarre. Hein. Et magie quoi, je sais pas, franchement, je sais pas. C'est mon ami d'enfance. Écoutez, il m'a inculqué les bonnes mœurs de la société anglaise. et j'ai très énormément de peine. J'ai énormément de peine et j'aurais aimé moi qui en main, en bout d'affaires en main là, un petit côté où je. Vous êtes en train de dire que s'il n'y a pas des choses qui restent de lui quelque part. J'aurais aimé me ramener un. Écoutez, je devrais pas le faire. Mais bon, clairement, de toute façon, il y a plus rien à chercher dans cette baraque. C'est maison, c'est. Ouais, c'est encore, là, on piétine. Bon, allez-y. Je vous donnerai les mesures. Rapidement. D'accord. Rapidement. Allez-y rapidement. Et après, vous revenez et rien ne s'est passé. Je vous ai pas vu. Je regarde là dans les décombres qui ne sont pas encore fumantes, qui ne sont pas encore chaudes, qui ne sont plus chaudes, je veux dire. Fais-moi un jet de toc. Il y a des choses de bien. J'estime que vous êtes parti avec lui. Vous allez laisser passer tous les trois. Hein. Vous pouvez faire tous un jet de toc. Si je trouve l'entrée de la cave. Très bien. Après, c'est étrange. En soi, la police, elle a recherché dans la cave. Enfin, genre, ils sont pas juste restés devant la maison. Ah bah tiens, il y a peut-être un truc. Tu vas utiliser un point de chance. Vas-y. Et toi, tu fais le jet aussi. À un point près, t'as raté, merde. Ouais, mais j'ai la chance qui me permet de réussir, du coup. T'es pas été, toi ? T'es resté sur place ? Mais je trouve ça très... Enfin, on peut y aller sur place, mais je trouve ça quand même très étrange d'aller là où la police est déjà en train d'enquêter. Après, si tu peux, toi, décider de ne pas y aller parce que c'est tout sale, parce que t'as pas envie de te salir les mains... ça peut être tout à fait... Voilà. Après, eux ont voulu y aller... Tu n'es pas obligé. Ouais. En gros, tu dis, ouais, ils sont déjà deux pour y aller. Tu peux tout à fait dire, bah, écoute, allez-y tous les deux, moi j'attends là. Ouais. Comment tu veux ? Ouais, quoi ? Ouais, non, je jouerai sur place. Ok. Eh bien, écoute, qu'est-ce que tu fais, mon petit Peter ? Je perds un petit point de chance. Bon, tu l'enlèveras voilà, de ta chance. Tac. Donc effectivement, quand t'arrives sur les lieux, que tu te rends compte que tous les bouquins, tous les notes, tout ça du professeur, tout ce qu'il a pu avoir comme tout son travail qu'il a fait depuis des années, tout ça, tout a brûlé. Il y a la bibliothèque. Rien du tout. Les cartes du CDI, merde. Les bouquins pas rendus, quoi. Et quand t'arrives dans le salon, ce qui était autrefois le salon, ton pied bute sur du verre cassé, des bouteilles cassées, mais qui sont complètement noires de suie, voilà. Mais franchement, il y a rien à trouver. Honnêtement, il y a rien du tout, quoi. C'est vraiment il y a que dalle. Bah là, je pense dans ma tête. J'espère qu'il lui est vraiment rien arrivé. Vu les dégâts de l'incendie, j'ai vraiment peur pour lui, quoi. Ouais. Bon bah, okay. Je pense. Faites que... quoi bah, on va. Là, il commence à ça commence à tard, vu qu'il est, bon, on est en hiver, hein, la nuit commence un peu à tomber un peu plus rapidement à cette période de l'année. Donc, il doit être sur les coups de 18h, presque 18h30. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va peut-être rentrer, hein, c'est pas la peine de rester, peut-être on embête la police. Hein, donc. Moi, j'ai profité pour parler du coup avec le policier et lui demander, si ça faisait partie de leur plan quand même de recherche, de ratisser la zone, à partir du principe que la personne vient de disparaître, quoi. Oui, vous inquiétez pas, on est en train qui est ici, mais d'autres agents essaient de rendre de ce qu'on sait sur les lieux où possiblement il pourrait être présent, il pourrait être présent. Donc, mais vous savez, comprenez, ça s'est passé cette nuit, hein. Donc, oui, mais comprenez. C'est très récent. Mon inquiétude. Ouais, je me doute. Vous êtes des proches de monsieur, du professeur Smith, mais c'est passé cette nuit, hein. Donc là, on est-ce fait que tout, je peux vous demander de nous contacter, enfin, personnellement, nous logeons tous à la même adresse, donc. Bien sûr, hein. Bien sûr. Mais écoutez, donnez-moi l'adresse et je vous ferai transmettre l'adresse du manoir. D'accord, de notre. Bah, tu vois qui prend l'adresse. Je vous ferai parvenir si jamais nous avons des informations supplémentaires. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. De rien, de rien. Du coup, vous retournez au manoir. Oui, et puis comme ça, on pourra discuter avec notre ami qui est allé à l'université, il me semble. Mm-hmm. L'italien, comme on l'appelle. L'italien. Emilio. Non, je crois qu'il n'a pas de contact. Ah, si, si. Voilà. Oui. Donc, vous vous retrouvez tous au bout d'un certain temps sur les coups de 19h30, 20h au manoir de monsieur Nelson, et voilà, tu retrouves qui a des bouquins dans les mains, et toi, de ton côté, Emilio, tu vois Nelson et Peter qui sont tout crades. Ils ont de la suie un peu partout sur les fringues, sur les mains. Par contre, Catherine, toujours aussi propre, toujours aussi belle, resplendissante, malgré son inquiétude qui est flagrante sur son visage. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris ? Que se passe-t-il ? On n'a rien appris du tout, puisque de tête cendrée de fumée. C'était prévisible, mais c'était surtout voir si des traces avaient été trouvées, mais... La police n'a rien, il n'a pas encore recherché, enfin n'a pas encore lancé du coup excusez-moi un peu l'émotion, mais tout simplement ce qu'ils ont à faire pour le retrouver vu qu'il a disparu. Alors, si je peux me permettre, je suis allé fouiller un peu son bureau et j'ai trouvé ce calepin en réalité. Et... assez étrange, à l'intérieur, il y a un petit mot, hein, avant de débuter à le feuilleter. Je ne l'ai pas encore feuilleté. Et il indique, donc, M. Smith indique, que c'est à l'intention des enquêteurs qui seraient en charge de rechercher, en fait, ce qui lui est arrivé et qui ne devrait être lu qu'à Paris. Alors, c'est pas forcément ce qui lui est arrivé à lui, mais c'est juste un message qui écrit clairement à l'attention des enquêteurs, enfin à ne lire qu'en direction de Paris, quoi. Quand vous serez en direction de Paris. C'est très obscur, hein, comme truc, hein. Le livre est assez costaud. Mais au moment où vous êtes en train de parler de ça, tu as Nelson, ton majordome qui vient et qui te glisse un message. Il dit ouais, c'est pour vous, monsieur Mesborough. Je le déplie, je le lis. Et ce que tu vois, en fait, c'est ceci. Alors. Ah, mais c'est bien étrange, chers amis. Là, je viens de recevoir un message de notre ami Smith. Venez tout de suite, il me reste peu de temps. Par pitié, assurez-vous de ne pas être suivi. Dans la Petermobile. Allez-vous dans la Peter Cave, choper la Petermobile. Le message date clairement d'avant, je pense. Il vient d'arriver là expressément. Je pense pas que ce soit un message. Non. Non, pas d'avance. Il nous dit clairement, enfin il m'a dit de venir très vite, tout de suite même, car il lui reste peu de temps. Et par pitié, ce par pitié me fait froid. Oui, mais c'est un télégramme, c'est quoi? C'est un message, écrit. Écrit. Oui, mais du coup il y a un temps de transmission, là c'est un peu... Mais si sa maison a brûlé hier et que là nous sommes dans la soirée de lui lendemain. Ouais, du coup c'est bien ça, c'est que le message date d'avant quoi. Qui c'est qui a apporté ce message à la maison? C'est mon valet. Enfin, il a dit majordome, mais c'est mon valet. Oui, mais... Qui a donné ce message à votre valet? Ça. Sûrement le... Tu sais, le un service, messager. Un postier, un facteur. Un messager, ouais. Ce qui... Un garçon des... Génère. Où est-ce qu'il aurait pu se recueillir? Où est-ce qu'il... Un endroit... Vous connaissez peut-être. Eh ben, Monsieur MJ, est-ce que j'aurais une idée de savoir où est-ce que je peux le rejoindre? Je sais pas. Tu vas me faire un. Vous allez trouver objet caché, s'il vous plaît. Encore. Eh oui, bah encore c'est tel, on va trouver un objet caché, c'est le professeur. Il était sous le canapé. Et non pour moi. Yes. Bon, non, oui, c'est vrai. Oh là là. Succès majeur. Succès majeur. Eh bien, pour ceux qui ont réussi, en fait, quand vous regardez un peu plus le message, en fait, vous remarquez que vous reconnaissez en fait le sceau qui a été utilisé pour fermer l'enveloppe, et vous reconnaissez en fait donc le sceau du professeur Smith. Qui est celui de sa chevalière, en fait. Et à l'avant, en fait, de la carte de visite qui était à l'intérieur, se trouve une adresse à Cheapside, qui est un quartier un ouvrier de Londres. Et c'est pas du tout le genre d'endroit que fréquente Smith ou Bedos habituellement, quoi. D'accord. Voilà. Et je prépare le carrosse, j'allais dire. Je prépare un express. Donc je suppose que vous le partagez avec les autres, ce que vous avez trouvé comme info. Oui, évidemment, oui, l'information. Chipster, c'est un quartier où il y aurait du banditisme, ou c'est juste un simple quartier où il y a... C'est un quartier ouvrier, mais c'est pas super fréquenté, quoi. C'est pas c'est pas du grand banditisme, mais bon, c'est de la petite raclure, quoi. Je demande au valet de préparer la voiture. Voilà. D'accord. Préparer la voiture. Tout à fait. Pas de souci, monsieur Mesperro. Je m'occupe de ça. Et je fais sonner le cling-cling via la chevillette. Le domestique nous apporte nos vestes, nos manteaux. Mmh. Et puis voilà. Puis on part. Tu vois qu'ils ils arrivent tous. Ils vous donnent vos trucs. Et tout. Pas de problème. Donc, vous partez sur le champ, à l'adresse indiquée? Ouais, je laisse conduire, là. Il va inventer une coupe punk. Donc, à savoir qu'il est, déjà quasiment 20h, hein. Donc vous partez de nuit. Ça vous prend à peu près, à calèche, une petite heure pour arriver jusqu'à l'adresse. Vous êtes en voiture? Eh ben, allez... Un peu moins d'une petite heure, mais c'est pas non plus les voitures de l'époque. Ça va pas non plus. Voilà. Ça va pas non plus plus vite. Bah, c'est des roues en bois. Et non, il y a la Ford T. Donc, vous arrivez donc du coup à cette adresse. C'est un quartier vrai. Vous arrivez à cette adresse. C'est un quartier qui est vraiment. Ouvrier, donc très froid. En plus, il est 21h, il fait froid, c'est l'hiver, donc c'est très crasseux. Hein, vous arrivez devant un immeuble très très crasseux et dans une rue limite avec pas de la boue, mais presque quoi. Et vous arrivez devant une porte. Je crois que c'est plusieurs appartements et devant la porte qui serait l'adresse d'où a été envoyé cette truc. Qui frappe à la porte? Je vais frapper et et je vais garder ma main dans mon costume. Ok. Quand tu ouvres, vous entendez des pas derrière la porte et la porte s'ouvre, mais vraiment tout doucement. Limite, tu vois, presque comme si quelqu'un regardait derrière la porte avant vraiment d'ouvrir complètement. Quand la porte s'ouvre complètement, vous reconnaissez Beedows, le majordome du professeur Smith. Vous pouvez remarquer que ses mains sont bandées. Et vous allez me faire un test de psychologie, s'il vous plaît. Oh, ouh là là là là là là. Oh, oui d'accord, je viens de comprendre. Aïe. Alors attendez. C'est de votre faute. Je pense que c'est lui. Alors, tout le monde a fait un échec. Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde a fait un échec. Parce que je peux dépenser des points de chance, j'en ai pas beaucoup à dépenser pour avoir une réussite. J'ai pas trop envie, moi, de dépenser mes points de chance. Ouais, bah écoute, si tu veux, y a pas de souci, tu peux le faire. Bah, honnêtement. C'est quoi, c'est psychologie? Non, ça vaut pas le coup. Oui, c'est psychologie. Non, on voit bien qu'il s'est blessé par rapport. On voit bien qu'il s'est blessé par rapport aux flammes, peut-être à l'incendie. Et qu'il est un peu. Je sais pas, j'ai pas vu sa tête, hein. Voilà. Il doit être sous l'état de choc hein, par rapport à. Qui s'est passé jusque-là. Pour moi, c'est lui le meurtrier. Mon 99. Il dit que c'est un échec critique, on est d'accord, le 99. Ouais. Oui, 99, c'est un bel échec critique, mais. C'est un très joli jet. Voilà. Raté, mais joli. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais, Catherine? Est-ce que tu utilises des points de chance? Faut juste que je regarde combien j'ai de chance en tout pour voir combien je peux me permettre. De dépenser. Bon, à savoir que vous pourrez, à chaque fin de session, vous faites un jet pour avoir une chance d'en récupérer. Hein. Après, c'est. Est-ce que tu peux expliquer. En fait, je suis en train de chercher, mais du coup, tu peux expliquer comment on peut regagner de la chance? Eh bien, en fait, à chaque fin de session, vous tirez un jet de chance, comme là, tu viens de faire. Et si c'est un échec, tu peux lancer un D10. Et tu gagnes le résultat de ton D10. Si tu réussis ton jet de chance, bah tant pis. Si tu fais un échec, bah tu as le droit de lancer un dédi. J'ai combien? 7 points. C'est vrai que c'est un peu beaucoup quand même. Je ne sais pas. J'en appelle à mes amis. Mes amis avaient l'air plutôt. Mais oui, bien sûr. J'aurais dû me douter. Désolé pour le. Si jamais. Normalement, on coche. Ouais. Voilà. Si c'est réussi en utilisant de la chance, ça ne fonctionne pas. Tellement normal pour moi. Comme je sais pas trop quel choix prendre, j'en appelle du coup à mes amis. Il me semble qu'ils étaient plutôt contre, c'est ça? Moi je suis contre. Ouais. C'est beaucoup trop de points de chance pour peut-être avoir une information. Ouais, pas forcément en capital. Voilà, quoi. C'est le palais, quoi, c'est pas lui. 7 points, ça paraît peu, mais c'est beaucoup. Bon, écoute, il y a déjà deux personnes sur trois compagnons qui sont contre, donc je vais les rejoindre et je n'utilise pas les points de chance. D'accord, ça marche. Bah écoute, de ton côté, alors c'est qui? Attends, que je refasse. Emilio, tu le trouves super suspect, mais super suspect. Il veut lui mettre une boule? Franchement, il y a un truc, il y a quelque chose, c'est obligé. Pour moi, c'est lui, quoi. Bon, je vais le prendre contre le mur, toujours avec une main dans le. Comme ça, t'as indiqué cache-pistache, tu le sors, tu l'attrapes. Je l'attrape et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Et tu vois qu'il fait mais arrêtez, mais ça va pas. Cette blessure là, ça monte bien tout. Je le retire par le col, je peux ça? Ah bah oui, tu le tires. Ouais, je le retire par le col, ouais. Attends, on va faire un petit truc, hein. Pour le maîtriser. Non, je le frappe pas, je le retire. Oui, je fais moi un... Ouais, tu le retiens. Bon, bah vas-y, tu le retiens. Oui, c'est retenir. Et je suis d'accord, hein, moi je suis prêt à m'interposer, peut-être pas physiquement, mais... Ok. Bon bah, tu vois Nelson qui s'interpose en disant... En disant quoi? Du calme, du calme. du calme, du calme. N'y va pas avec ta... Comment dire, ferveur, non? Ta connerie. Trotzel. Ta connerie aussi, ouais. Bon, alors, tu te calmes ou pas? Tu te calmes ou je te calme? Bah, je suis pas calme, en vrai, je peux pas me calmer comme ça. Bon, voilà, je suis dans le feu de l'action, non, là. Je loin du majordome, là. Mais bon, je suis, mais je suis pas calme, quoi. Je suis en mode... Ouais. Je regarde fixement le majordome, toujours la main dans mon manteau. Du coup, après cette petite intercation, vous rentrez dans la pièce et vous voyez justement une pièce assez sombre. Les rideaux sont tirés. Il y a juste une lueur, enfin des bougies qui sont allumées. Donc ça fait un peu une pénombre, mais tamisé un peu, tu vois. Enfin c'est. Et vous voyez dans le fond de la pièce la silhouette d'un homme allongé sur un lit. Ah mais non. Ah. Excusez-moi, je suis en plein écran normal exprès pour pas que ça. Et d'abord, vous pouvez imaginer que c'est le professeur Smith. Mais vous le devinez hein, en fait, hein, parce que vu que la lumière est très. Je passe du majordome, je passerai du majordome à la personne couchée sur le affalé. Professeur Smith. Ouais, c'est monsieur, c'est qu'est-il arrivé au professeur? Et hop, je vais vers sans attendre l'arrêt. D'accord. Donc au moment où tu t'approches de lui, tu vois un homme avec des brûlures partout sur tout son corps. Son visage est atrocement brûlé. À la limite, il ressemble à un grand brûlé, quoi. C'est vraiment horrible. Hein. Attends. Je vais te montrer ça. J'ai la peau décollée. Et voilà ce que tu vois en fait. J'en vois tout le monde, mais oui, bah lui en premier si tu veux. Ouf. Et c'est un homme, mais atrocement brûlé. Hein, et ce que tu vas me faire là, c'est tellement horrible. Suintant, tu sais, la peau des grands brûlés. Choquant, ouais, en premier, ouais, non, mais. Ouais, tu vas me faire un jet de santé mentale, s'il te plaît. Non. Si. Non. Merci. Non. Déjà, d'une part, c'est un grand brûlé, donc déjà à voir, c'est une vision d'horreur. Et en plus, c'est ton ami. C'est ton ami, c'est quelqu'un que tu qui est. Voilà. Donc. Donc, tu vas me faire un petit jet de. Un petit jet de santé. Voilà. C'est SAN, c'est ça? Ouais. Ah, SAN. Ouais, c'est SAN, c'est la SAN. Voilà. Et du coup, faut qu'il réussisse et il perdra la santé. Ah non, là, c'est mon score, pardon. Sur 99, c'est pas super ça. Hein. Voilà. Oui, c'est. Ouais. Étonnamment, tu gères bien. T'as eu un petit recul. L'habitude de voir des gibiers abattus. Et t'as eu un petit moment de recul mais après t'as bien géré quoi. Pour l'instant il y a que lui qui est. Enfin, non, limite je retirais le drap qui le couvrait et puis je vomissais dessus quoi. N'exagère pas. Pourtant, je pense pas. Je j'imagine que tu n'as pas essayé de le toucher. Tu vois. Pour l'instant c'est juste un contact visuel que tu as établi avec lui. Le contact s'arrête là, ouais. Ouais. Et pour l'instant j'estime qu'il y a que Nelson qui s'approchait assez pour voir ce qu'il a vu. Bien sûr. Ouais, toi aussi. Tu vas aussi? Le recouvre, je le recouvre dessus. Ah non, mais je le recouvre. Mais attends, non, mais tu peux pas lui recouvrir la tête. Il a pas ça. C'est ça que t'as. Genre. J'ai cru qu'il était sous un. Non, il est comme ça en fait allongé. D'accord. Avec voilà. Mais t'es vilain, mon gars. En même temps, tu peux pas le couvrir vraiment puisqu'il est brûlé au corps quoi. Tu peux pas poser une couverture sur lui parce que c'est une horreur ce que t'es en train de faire sur lui. Donc c'est juste un homme atrocement brûlé qui est allongé sur un lit avec des bandages et des machins. Enfin voilà. Il fait quoi le monsieur à côté là? Donc du coup ce que Peter s'approche également et ce que tu vois C'est la même chose, hein, ça évoque la même chose pour toi. Donc, effectivement, toi aussi, tu vas me faire un petit jet de San. Ça passe. Et bon, toi aussi, un petit pas en arrière. c'est tout en caisse, mais c'est quand même, tu vois, c'est un peu dur. J'ai de l'empathie, clairement. Mais bon. Professeur Smith. Tu vois, vous avez vu quand même ses oui. yeux qui sont enflés par la brûlure et à moitié fermés. Et puis après, vous notez qu'il y a un peu des tours du lit. Vous avez des trucs pour le soigner, quoi. En gros, Bedos est en train d'essayer de le soigner du mieux qu'il peut. Mais que vous est-il arrivé? Les deux autres, vous faites quoi derrière? Ben moi, je reste fixé sur Bedos, en vrai, parce que pour moi, je lui fais pas confiance. Justement, en fait, j'ai intimement la conviction qu'il est lié à cela, de près ou de loin. Que le manoir est brûlé. D'accord. À ce moment-là, vous voyez le professeur Smith qui essaie de se relever, mais difficilement. Et il dit qu'il est proche de parler. Et je ne peux pas parler très longtemps. Écoutez, je vous ai fait venir ici car je sais, c'est je suis à la recherche d'un artefact, et la nuit dernière nous avons été attaqués chez moi par des Turcs. Des Turcs? Oui, je pense. J'ai reconnu, c'était très vite, mais il me semble que c'était des Turcs. Ils étaient trois? Ils étaient trois, effectivement. Je regarde un peu. Et je pense que ces hommes cherchent le même artefact que moi. Ils ont tout d'abord essayé de voler des notes de mon travail, et ils ont essayé de nous tuer. Bidos s'est interposé pour pour me sauver. Ils ont mis le feu et nous avons pu fuir. Mais j'ai été atrocement brûlé. Et sans Bedos, je pense que je serais mort à l'heure actuelle. N'en faites pas, ces Turcs ne vous poseront plus de soucis, je pense. Écoutez, maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Et je vais pas pouvoir parler très longtemps, alors ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Je suis, comme je vous l'ai dit, sur la piste d'un artefact occulte maléfique qui se nomme le simulacre de Sedefkar. Il s'agit d'une statue qui possède un grand pouvoir magique. Ce simulacre a été démantelé à la fin du XVIIIe siècle. Et tout le monde est là? On écoute. Non, mais est-ce que j'ai personne au milieu là? Attends, il a peut-être un problème de co là. Ouais, c'est pour ça. Ça s'appelle l'air d'avoir freeze. Ouais. Mais... la bière fine. Vous gardiez en plein dans mon pseudo roleplay, hein, putain. C'est con. C'est quoi le nom de l'artefact? Tu peux le répéter? C'est le simulacre de CDFK. D'accord. Et moi, pendant qu'il fait son speech, je sors son calepin, enfin son livre, pour montrer que j'ai trouvé ça, sans forcément l'interrompre. Alors, tu vois qu'il jette un regard et qu'il acquiesce le livre, tu vois, genre... Il a vu que t'avais le livre. Mais il dit rien. Il te dit pas plus de trucs, tu vois. Je sais pas si notre ami Shedren est toujours là. Moi qui lui envoie un message. Que le live est coupé sur tout ça. Non, il tourne. Non, il tourne le live. Hein. Il tourne. Il est pas là. Et puis les images sont décalées, quoi. Ouais, c'est bizarre. Dommage. Désolé, les gens. Ouais. Si y en a encore. Je sais pas s'il y a encore des gens. Le live est là. Si Kemaozor est là, alors tout le live est là. Simulacre 2. CDFKAR. Car, ok. Attends, j'ai un message de Shedren. Faut finir sans moi. Bon, bah, on va finir sans moi. C'était la tête. Bon, je lui ferai le. Je vais jouer à sa place. Elle se dénude, se trémousse. Attention, on est dans un moment tragique. Donc on va essayer de... Donc... je repars dans mon bureau. Ce simulacre a été démantelé à la fin du 18e siècle et éparpillé à travers l'Europe. J'avais pour objectif de retrouver